Kermit, my love, when do I get to sing something? Later, Piggy. I don't have time right now. Kermit? Hmm? Make time. Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena. Diane, tomorrow I'll take Harry and the gang on a rock-throwing trip to Tibet. But first, another piece of this heavenly pie. Bonjour, bonjour, vous allez entendre, il y a plein de bruit évidemment. Bienvenue à Bulle de Rêve, c'est notre rentrée. On est content d'être là évidemment, on a commencé avec les Muppets. Manamana, pourquoi on va parler d'enfance et animation aujourd'hui? Et Manamana, peut-être que certains d'entre vous savez exactement d'où ça vient. C'est en fait une chanson qui était tirée d'un film érotique suédois sur la vie érotique des Suédois. Je trouve ça drôle que Jim Henson, qui savait évidemment d'où ça venait, ait pris cette chanson et l'ait utilisée dans le Muppet Show. Et c'est devenu un hit du Muppet Show juste après. C'était un peu pour lui faire un petit coucou. Je vous la présenterai tout à l'heure. C'était Del Cooper qui nous parlait de son plaisir de la tarte aux cerises, bien sûr, de Twin Peaks. Autour de la table, plein de gens. Je suis assez content pour cette première émission. Mais peut-être... Non, allez, je vais les présenter d'abord, parce qu'après, sinon, on va me dire que je ne fais pas bien mon travail. Donc, Francis Gavel, je le présente en première, je vais le présenter en dernier, mais je sais que, voilà. Francis Gavel, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le présenter. Francis, bonjour. Bonjour, Alexis. Journaliste émérite, et qui travaille notamment, bien sûr, ici à Radio Libertaire, et qui va nous dire que, malgré sa présence ici, non, ce n'est pas lui qui est l'émission d'après nous. Pas ce soir, non. Ah voilà, pas ce soir. En fait, il est là spécialement, enfin presque, pour nous. Ah mais spécialement, oui. Ouais, puisque après, c'est contrebande. Marie Bourillon. Bourillon, oui, tout à fait. Voilà, des films du Préau. Mmh. Merci d'être là. On va parler avec elle, évidemment, du gros travail des films du Préau depuis... Depuis l'an 2000, depuis donc 13 ans. 13 ans déjà, et notamment d'une sortie mercredi prochain, qui est un peu l'un des événements, en tout cas pour nous, Lettre à Momo qui sort, donc on va parler de ça. Cécile Giraud-Babouche, bonjour Cécile. Bonjour. Vous avez déjà entendu, évidemment elle aussi sur cette... Mais il y a fort longtemps. Qui s'est mise de suite à côté de Francis, c'est un duo voilà, qui marche tellement bien, et qui va... Laurel et Hardy. Journaliste, voilà, ils vont nous parler aussi notamment du livre, c'est pour ça que je les ai invités. Première séance. Des fiches du cinéma. Et Florian Delporte. Bonjour. Le studio des Ursulines, si on doit parler d'enfants et cinéma d'animation, bien évidemment, on est obligé d'inviter Florian du studio des Ursulines qui travaille, lui, depuis 40 ans. 42 et demi. 42 en fait. Et demi, voilà, pour faire cet incroyable travail depuis qu'il fait depuis 10 ans, puisqu'il a fêté les 10 ans cette année, voilà, pour de l'éducation, comment t'appelles ça? C'était les 10 ans de votre travail sur... Les 10 ans de la spécialisation jeune public du cinéma, voilà, parce que sinon le cinéma, lui, est là depuis 100 ans. Donc. Et on a bien sûr toujours Nicolas, merci, qui nous fait, qui réalise l'émission, sinon sans lui, on serait rien. Rémi. Qui... Bonjour. Voilà, on lui a donné un micro juste à temps pour qu'il dise bonjour. Rémi, toujours de l'AFCA, et qui vient nous présenter son agenda. Et qui vient. Et toute nouvelle. Dans l'émission, Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour. Voilà, Valentine, c'est elle qui va... alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin des émissions de l'année dernière. Sur 3 émissions, on en a fait une. Parce que quand je m'occupe des invités, ça ne marche jamais. Et Valentine, gentiment, vient à bord, vient s'occuper des invités. C'est grâce à elle que tout le monde est là autour de la table. Et elle a même créé un Facebook Bulle de Rêve. Comme ça, voilà, vous pouvez avoir plein de choses. Et elle va nous donner, si vous voulez lui envoyer des infos sur, que vous voulez peut-être dont on parle à Bulle de Rêve ou en tout cas sur Facebook, le mail c'est emissionbdr@gmail.com. Ok. Et alors là, elle va faire quelque chose que Florentine faisait. C'est pas parce que c'est Valentine, mais voilà, elle va donner le numéro du studio. Vous pouvez nous joindre. Alors, 01 43 71 89 40. Voilà, c'est trop bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut écouter, en fait, un tout petit bout de la troisième morceau? Francis essaye de me torpiller mon émission, mais je vais y arriver. Donc juste à peu près une minute, on va écouter, et voilà, on écoute juste, et je vous explique ce que c'est après. Je m'appelle Oscar et j'ai 6 ans. Je m'appelle Elena et j'ai 8 ans et demi. Je m'appelle Souel et j'ai 9 ans. Je m'appelle Manon et j'ai 7 ans. Au début, il y a un lapin qui va dans tous les potagers, qui ronge tout. Il y a Wallace qui décide de faire un lavage de cerveau à un lapin. Et sauf que quand il y a Gromy qui pousse le bouton, il donne le cerveau du lapin à Wallace. Oh, Gromy, s'il te plaît. Ça recommence. Je vais avoir besoin d'aide. Est-ce que... J'aime comme personnage, c'est surtout Gromit, car c'est un chien. Et puis moi, j'adore les chiens. Et surtout que dans ce dessin animé, il est très très beau et ben, je l'aime beaucoup. Moi, c'est que voilà, parce que... C'est bon ? On est, voilà. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'était en septembre 2005. Ça fait 8 ans que j'ai repris Bulle de Rêve, exactement 8 ans. Et en fait, au tout début de Bulle de Rêve, c'est pour ça que je suis content de faire cette émission. Quand j'ai travaillé dans un magazine qui s'appelait Storyboard à l'époque, je devais faire une critique d'un film qui s'appelait Choupi. Choupi, le film. Et je suis sorti du film en me disant, mais je ne peux pas faire de critique de ce film-là, il n'est pas fait pour moi. Et je ne peux pas dignement faire une critique de ce film-là. Des adultes vont s'en charger, mais je ne pense pas que le film est fait pour eux. Donc, je n'arrivais pas à comprendre tellement. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais faire une petite chronique, quelque chose où les enfants parlent eux-mêmes des films. Et c'est ce que j'avais fait avec Judith Delvincourt, donc à l'époque, qui s'occupait du site The Web Anime. Et on avait fait cette petit reportage, en fait, qui était passé lors de la première émission que j'avais présentée ici même à Bulle de Rêve. Et donc, voilà, c'était intéressant de revenir 8 ans après sur ça, puisque c'est toujours un grand mystère pour moi de comment on peut juger, comment on peut se demander de surtout les tranches d'âge. On en parlera beaucoup, ça c'est quelque chose qui m'épate beaucoup et j'ai pas repris, mais les frères Coué disaient justement qu'ils n'arrivaient pas à comprendre tellement pourquoi on leur disait mais c'est tel âge ou tel âge pour vos films. Et Tarkovsky disait, alors peut-être en jouant un petit peu, mais en disant mais moi c'est les enfants qui parlent le mieux de mes films. Donc bon, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi aussi cette émission? Parce que j'ai trouvé cette phrase super intéressante, je l'ai pas complète, mais pour ce qui a donné l'envie visiblement aussi pour faire première séance, c'est une phrase de Doyon, Jacques Doyon, qui dit, je trouve ça assez incroyable, qui dit, tu la complètes? Oui, si tu... Allez Francis, vas-y. Tu la veux? Bon, ouais, alors, vas-y. Je vais faire l'actrice ce soir. Fais Jacques Doyon. Je vais faire donc Jacques Doyon, oui. Bonsoir. Donc voilà, alors c'est en ouverture, c'est la préface de Nicolas Marcadet, qui est le rédacteur en chef des Fiches du cinéma, donc pour ce livre qui s'appelle Première séance, avec des propositions de films pour cette tranche, alors comme tu disais tout à l'heure, cette fameuse tranche 3-6. Et puis donc, on revient sur un entretien qui avait eu lieu avec Jacques Doyon, donc réalisateur entre autres du Petit Criminel, de La Pirate, et Jacques Doyon donc dit ceci à propos de lui et ses filles au cinéma. Je me souviens d'un jour avec Lou quand elle avait 13 ans. Elle me gonflait avec des films américains de troisième catégorie et ce jour-là, la mouche m'a piqué de lui dire « on va aller voir un truc japonais ». Elle m'a demandé « c'est un vieux film ?» J'ai dit « c'est un assez vieux film, mais c'est en couleur tout de même ». On y est donc allé et je lui ai montré « Bonjour », le film d'Ozu où des enfants font la grève de la faim et de la parole pour avoir une télévision. Au départ, elle renâclait un peu parce qu'elle allait voir un film que je choisissais pour elle. Mais comme ce film était plus charmant et plus drôle que tout ce qu'elle avait l'habitude de voir, elle l'a trouvé formidable. Seulement, pour qu'elle le découvre, il fallait bien que quelqu'un l'y amène. Or, aujourd'hui, qui va le faire ? A priori, ça n'est pas l'école, donc c'est un peu notre boulot, à nous, parents, de le faire. Alors à partir d'un certain âge, de temps en temps, j'ai montré à mes filles un film des cinéastes que j'aime. Un Ozu, un Mizoguchi, un Dreyer, et je ne me ramassais pas. Parce que les amants crucifiés de Mizoguchi, si votre fille n'aime pas ça, vous pouvez la déshériter, vous pouvez l'acheter par la fenêtre, vous avez toutes les raisons de commettre un meurtre, vous aurez certainement des circonstances atténuantes. Que les enfants regardent les films qui les intéressent, même s'ils ne m'intéressent pas moi, ça les regarde. Mais à un certain moment, sans le leur imposer, leur montrer ce qui m'intéresse moi, je pense que c'est un peu ça l'éducation. Voilà, c'est parfait, je trouve. Déshérité, une fille parce qu'elle a pas aimé les amants crucifiés, ça me plaisait beaucoup. On va faire rapidement le temps d'arriver dans le studio tranquillement. On va faire une petite pause musicale de suite avant d'avoir l'agenda de Rémi. On écoute donc la piste d'après. C'est toujours mes, ce que je dis à Nicolas, la piste d'après, et il sait, normalement. Thank you. faire ça à mes invités qui se disent qu'est-ce qui se passe, on a écouté tout à fait. Donc c'est bien toujours Bulle de Rêve. Vous avez entendu d'abord venant de Valentine, c'est sa première, donc elle a choisi quelques musiques air, donc Alone in Kyoto. Et juste après, là, vous venez d'entendre un tout petit bout de personne. Mon oncle, Jacques Tati, je trouvais intéressant de commencer avec un petit bout de mon oncle Jacques Tati, puisqu'en effet, il y a toute cette problématique entre l'oncle qui élève un peu l'enfant, on va dire, et qui lui fait faire plein de bêtises, et le père qui, lui, est plutôt très sérieux. Sur ce, on a bien quelqu'un de sérieux dans l'équipe, c'est Rémi. Rémi, on t'écoute pour ton agenda. Merci. On va commencer pour pas changer avec les festivals. Aujourd'hui, à Ville, dans la Somme, donc il faut se dépêcher un petit peu si on veut y aller. Le festival Off Short, qui est plutôt sympa, chacun vient installer son propre espace de diffusion, une tente, une caravane, une roulotte, des choses comme ça. Il y a un atelier jusqu'à ce soir qui s'appelle le Voyage de Monsieur Dupuis, avec des tomatropes, des folioscopes, des phéakistiscopes, etc., etc. C'est jusqu'à 23h. À 20h30, il y a un ciné-spectacle Beetlejuice par Project, qui va apparemment reproduire la scène clé du film. Et un marché opus auquel personne ne va pouvoir aller puisque ça se finit à 19h en même temps que Bulle de Rêve. Donc bon, il faut faire un choix et il faut écouter Bulle de Rêve. Le festival du court-métrage de Lille. Le festival international, je crois. C'est du 9 au 13 octobre à Lille, je crois. J'étais pas sûr, là. Donc il y aura des événements à l'hybride, comme d'habitude, la gare de Saint-Sauveur et le théâtre Sébastopol. Plein de belles choses. Avec la nuit de l'animation et je crois une avant-première de l'Apostole, c'est ça? Apostolo, oui. Apostolo, pardon. Ce sera juste après Frankenweenie et juste avant Amère Béton. Donc la nuit de l'animation, ce sera le 11 octobre. Et plein de courts-métrages aussi dans cette nuit d'animation. Et beaucoup de courts-métrages. Bon, ils dorment tous à la fin, mais au moins... Bon. Mais le petit déjeuner est offert le lendemain. Et donc, ça sera au théâtre Sébastopol, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Un festival qui a l'air sympa, mais j'ai pas encore eu la programmation, le festival Ciné des Villes, Ciné des Champs. C'est à Bourganeuf de la Creuse, il y aura Benjamin Renner. Donc, je pense qu'il y aura une projection de Ernest et Célestine. Le programme devrait être en ligne dans les jours prochains. Dans les événements, on pourra voir Roxy Rookie au Forum des Images pour l'après-midi des enfants. C'est le seul qui est passé pour cet agenda-là. Il faut te plaindre à Isabelle. J'ai rien dit, hein, j'en ai juste... C'est pas moi qui rigolais, c'est Florian. Une exposition, le Mulot Menteur, c'est du 17 septembre au 9 novembre à la médiathèque Jean Fahala de Reims. C'est rigolo, Jean Fahala, comme nom. Bon, il doit être mort, donc je peux m'en moquer. Bravo. Il n'y aura pas se plaindre, moi. Et avec cette exposition, il y aura, dans le cadre de la fête d'animation, une rencontre avec André Akis et Nicolas Bianco-Levrin. Et ça, j'y reviendrai dans l'agenda de la prochaine émission, par contre. Je pense que c'est trop tard pour s'inscrire, mais je vais en parler quand même, les chemins de la création. Oh non, je pense que, je ne sais pas combien de monde, mais n'hésitez pas quand même à envoyer un petit mail pour... Pour s'inscrire, pour peut-être l'animabus, par contre, je pense que c'est complet. Donc, sûr. On va essayer quand même. On peut tenter. Mais il y a toujours une soute à bagages. Et, Bulle de Rêve. C'est bon. Et je pense que beaucoup de gens ici vont y aller, non? Non, à part... On sera tous les deux Valentine, donc on sera trois. Parce qu'on va faire des petits reportages et vous en aurez sur The Web Anime après, c'est à Fontevraud. Voilà, mais non, ils ne sont pas tellement amateurs d'animation autour de la table, tu vas voir. Les enfants font leur cinéma, ça c'est dans le cadre de la fête, mais avant la fête d'animation. Donc c'est à Nîmes au Carré d'Art Bibliothèque. Qui fait toujours beaucoup pour l'animation et qui est une des militantes pour l'animation. Je prends un petit peu d'avance sur la prochaine émission parce que je n'avais pas prévu d'en parler. La Masterclass Adrian Lockman. Je pense qu'il faut s'inscrire à l'avance quand même. Donc ça sera le 17 octobre à 14h au cinéma Agnès Varda de Juvigny-sur-Orge. Dans les ateliers de formation pour les enfants. C'est une émission pour les enfants, on peut leur donner quelques infos s'ils nous écoutent. Ouais. Un ciné-atelier Mon voisin Totoro, dimanche 13 octobre à 10h15 au cinéma Le Luxy à Ivry-sur-Seine. C'est pas possible, Totoro il passe qu'au sud des Ursulines. On sait tous, c'est quelque chose qui est connu, donc ça doit être une... Tu regarderas de nouveau ton agenda, mais il doit y avoir un problème dans l'agenda. Bon, il y aura peut-être des sabotages de dernière minute. Non, je risque pas de saboter, Le Luxy c'est la salle de Leslie et tout ça, c'est une très bonne salle, ils sont très très bien là-bas. Ah, voilà, c'est ça le problème, ils se connaissent tous, donc... Continuerai. Des concours Apple à projet. Donc il y a le défi des fous, il faut se dépêcher un petit peu, c'est le 17 octobre, sur le thème de la ville. Il y a une règle que moi qui m'embête un petit peu, mais bon, je pense que d'autres gens beaucoup plus compétents trouveront leur bonheur avec ça. Il faut que le film soit une boucle de 10 secondes, donc boucler 3 fois pour faire un film de 30 secondes. C'est l'AFK qui a voulu ça, hein. Oui, mais c'est aussi faute d'anime, je crois. Le petit combat, vous avez compris. Continuez, Rémi, continue. Dans les sorties ciné, on a La Petite Fabrique du Monde qui est sortie le 18 septembre, donc qui est encore dans les salles. C'est un programme qui a été concocté par l'AFCA, le cinéma public, Enfance au cinéma et Cinéma 93. Il y aura deux ciné-goûtés le 25 septembre à 10h30 et 14h au cinéma Le Select à Antony, si on veut voir le film et manger. Le 25 septembre, Lettre à Momo, je crois qu'on va en reparler dans l'émission, donc ouais, je ne ouais. m'étends pas trop là-dessus. Le 2 octobre, une bonne ressortie, Coco le clown des frères Fleischer. Ça sera un programme de cours de 45 minutes avec La Mouche qui agace, Casse-tête, Voyage sur Mars, Modèle, Bulle, Il est temps de se coucher, Le petit frère du clown. Cool. C'est qui sort ça, tu sais, Florin ? JBK. JBK, ok, cool, c'est bien. Et un truc moins bien, le 9 octobre, Plans de Disney. Lequel ? Plans. Ah, Plans. Plans, pardon. Excuse-moi, non, c'est pas pour la transition, c'est juste que je comprends. Plans, c'est quoi Plans? Ok, oui. J'ai le droit de prononcer comme un franchouillard. Oui, tout à fait. Excuse-moi, c'était pas une critique, c'était juste. Ok, d'accord. Plans. Donc, l'un des beats de cet été aux États-Unis. Mais qui a au moins un mérite, c'est de nous prouver que Disney n'a pas d'idée en ce moment. Oh, ça fait un bout de temps. Ouais, en plus de faire de la 3D toute moche. Ça fait un bout de temps, ouais. Tout ça, c'est de la faute de la CTR, donc vas-y, continue. Court-circuit sur Arte, il y a deux bonnes émissions. Le 4 octobre, ils vont passer Love Game de Yumi Young. Sur Arte, on m'a dit que ça venait de Corée du Nord, mais je ne suis pas sûr du tout. Ce serait cool. Ça m'étonne quand même un petit peu. Mais à mon avis, non. Oui, ouais. Ça doit plutôt être Corée du Sud. Je pense qu'il y avait une petite erreur. Et le 11 octobre, ça sera Brest de Hugo Frasetto et À fleur de peau de Paul Bush. Et je termine avec une info que je n'ai pas mis dans l'agenda de l'AFCA parce que je ne peux pas trop, mais là c'est Radio Libertaire, donc je fais ce que je veux. Oula, attention. C'est illégal, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. À la télé américaine, il y a eu le 26 septembre, South Park qui revient pour une 17e saison qui va trouver le... Pardon. Et donc disponible en streaming 12 heures après. Parfait. Et ensuite, un combo le 30 septembre avec Les Simpsons pour la 25e saison, Family Guy la 12e saison, American Dad la 9e saison. Et plein de crossovers entre les saisons, entre les séries. Donc Futurama, The Cleveland Show, j'ai pas regardé date parce que j'aime pas ces séries-là. Futurama s'arrête en plus, oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est très bien. je commenterai pas. Et j'ai pas du tout parlé de la fête du cinéma d'animation, enfin je l'ai presque pas évoqué, ce sera du 17 au 31 octobre et on fera un agenda spécial la prochaine fois. La prochaine émission c'est le 12 octobre. Le 12 octobre. Hein, tout à fait, donc on aura le temps d'en parler à ce moment-là. C'est tout ? C'est tout. Bon, ça a été aujourd'hui, hein. On ne s'est pas trop coupé, tout, c'est bien, c'est la rentrée, on essaie de faire ça doucement. Allez, avant de revenir, une petite pause de 3 minutes. Et après, on revient pour vous parler en long, en large et en travers de ces enfants et du cinéma qu'on leur propose. On va écouter un morceau qui s'appelle All the Cats. Moi aussi, je m'y mets aussi. All the Cats Join In, qui est un petit morceau pour Fabien, qui est sûrement l'auditeur. On sait qu'il nous écoute tout à chaque fois. C'est le seul. Il y en a d'autres sûrement. Mais en tout cas, lui nous écoute à chaque fois et qui a un amoureux des chats et qui a un problème avec ses chansons. Et puis, comme je suis un amoureux des chats, voilà. Donc, c'est une petite dédicace pour lui. Puis, c'est ça. Ça nous met un petit peu. Oui, je fais ce que je veux. Francis, c'est mon émission. Et je savais qu'avoir deux journalistes en même temps dans l'émission, ce serait terrible. Donc, j'ai Cécile et Francis qui me font plein de gestes depuis tout à l'heure. On écoute ce morceau-là et on écoute. Il y a un autre morceau après. Comme ça, on écoute les deux et on revient. À tout de suite. In that old jalop and head for the mallet shop and all the cats join in. Down goes my last two bits, come up one banana split and all the cats join in. Drop your jack in that old jukebox, play your favorite disc. When you dance with the Bobby socks, you dance at your own risk. Rip every everybody swings, yes, yeah, swing, till the rafters ring and all the cats join in. Das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war, alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren. Lorsque l'enfant était enfant, il marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit rivière et la rivière fleuve, que cette flaque soit la mer. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Tout pour lui avait une âme et toutes les âmes étaient une. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait pas d'opinion sur rien. Il n'avait pas d'habitude, il s'asseyait souvent en tailleur, démarrait en courant, avait une mèche rebelle et ne faisait pas les mimes, le mime de mime quand on le photographiait. Lorsque l'enfant était enfant, ce fut le temps des questions suivantes. Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là? Quand commence le temps et où finit l'espace? La vie sous le soleil n'est pas qu'un rêve. Ce que je vois, en temps et sans, n'est-ce pas simplement l'apparence d'un monde devant le monde? Le monde existe-t-il vraiment avec des gens qui sont vraiment les mauvais? Comment se fait-il que moi qui suis moi, avant de le devenir, je ne l'étais pas, et qu'un jour, moi, qui suis moi, je ne serai plus ce moi que je suis. Lorsque l'enfant était enfant, les pommes et le pain suffisaient à le nourrir, et il en est toujours ainsi. Lorsque l'enfant était enfant, les baies tombaient dans sa main comme seules tombent des baies. Les noix fraîches lui irritaient la langue, et c'est toujours ainsi. Sur chaque montagne, il avait le désir d'une montagne encore plus haute, et dans chaque ville, le désir d'une ville encore plus grande encore, et il en est toujours ainsi. Dans l'arbre, il tendait les mains vers les cerises exaltées, comme aujourd'hui encore, était intimidé par les inconnus et il l'est toujours. Il attendait la première neige et il l'attend toujours. Lorsque l'enfant était enfant, il a lancé un bâton contre un arbre, comme une lance, et il y vibre toujours. Ça va, j'ai pas trop... Peter Handke, alors, j'ai pas une aussi belle voix que celle de Bruno Gans que vous avez entendue, donc au début des Ailes du désir de Wim Wenders. Je trouvais que c'était pas mal de commencer avec un poème sur l'enfance, notamment dans les ailes du désir, et qui parle un petit peu de cette complexité dans l'enfance, on va dire, à aller vers ce qu'on a envie, et puis petit à petit d'essayer de comprendre l'univers qui nous entoure. L'émission, donc, comme je vous ai dit, est venue de mon envie de comprendre un petit peu avec des gens, ben, pourquoi on fait, enfin voilà, ce qui sont les films pour enfants, pourquoi on les cible, ce genre de choses. C'est venu aussi donc d'un article de quelqu'un qui est autour de la table, Francis, dans une, sur les fiches de cinéma, une édition placée sous le signe de la nouveauté, Annecy 2013. Francis t'écrit, donc à la fin, hein, disait que tu as envie que les longs métrages soient, il y a un peu plus de contenu adulte, et à la fin, faute de quoi les talents matures du court métrage continueront à n'avoir, dans leur immense majorité, pour unique perspective professionnelle, que de se lancer dans des projets de longs métrages éternellement puérils. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a marqué depuis longtemps, ou c'est Annecy qui t'a fait remarquer ça? Tu le fais par, tu dis ça par rapport au long métrage français que tu vois à Annecy cette année? Oui, alors, je tiens tout de suite à dire, parce qu'évidemment, ça a créé une polémique. Entre Benoît, t'inquiète pas, il y a la réponse. Déjà, j'ai ta réponse à toi, et après, on va en parler un petit peu, t'inquiète pas. mais non, je dis ça, pourquoi j'évoquais, donc, il y avait une réponse de Benoît Chieux, donc que tu livreras. C'est parce que quand j'ai parlé de puérilité, j'ai pas parlé de puérilité forcément dans le cadre de films pour enfants. J'ai pas confondu, et c'est un petit peu peut-être l'amalgame de la réponse de Benoît Chieux, j'ai pas confondu cinéma pour enfants et film puéril. Et je pense que mon regret de la puérilité, elle va plutôt sur des films d'animation qui s'adresseraient à un public adulte. Et moi, j'en voulais cette année, à titre d'exemple, Tantilda, donc de Jacques-Rémy Girard et Benoît Chieux, que effectivement, je n'aime pas. Parce que bah, je trouve que c'est un scénario en fait qui est dans l'hystérie constante. Et pourquoi j'ai parlé d'hystérie ? Parce que je trouve que c'est un film où le scénario ne prend pas le temps de travailler les contrastes. On est toujours dans l'enchaînement, l'accumulation de péripéties, sans jamais penser au temps de pause, au temps mort, mais qui sont des temps, ces temps morts qui... Eh ben, de manière peut-être antagoniste font respirer un récit, qu'on est sur une surenchère de jeu. Et donc la puérilité, pour moi, elle était là. Le discours écologique, il est très sympathique, très juste, mais je dirais qu'il a finalement pas de portée, parce qu'on est plus dans un délire total et absolu. Et si j'avais un autre exemple, bah, c'était évidemment l'année dernière, et là ce serait encore pire comme exemple pour moi, c'est le Magasin des suicides de Patrice Lecomte. Et donc c'est vrai que si j'ai parlé de puérilité, et c'est pour ça que dans une des notes en bas de page, puisque j'en avais fait une certaine collection par rapport à l'article, bah, je citais un certain nombre de films pour enfants qui, moi, me semblent des réussites magnifiques et récentes. Et qu'est-ce qui a changé donc, entre La Prophétie des Grenouilles du même réalisateur, d'un des deux réalisateurs, Ed Folle Images, et ce film-là pour toi? Bah, déjà, peut-être une poésie que je trouve pas dans l'un des deux. Parce que t'aimes bien La Prophétie des Grenouilles, tu le cites comme l'un des j'aime la Prophétie des Grenouilles. Bah, justement, parce que j'ai peut-être un scénario qui travaille l'alternance d'ambiance, de climat, qui a beaucoup de poésie dans le film, qui a des choses très drôles, comme cette réunion des grenouilles au début dans la mare, avec la voix de Lignane Revers en grande prêtresse, grenouille, c'est quand même un grand moment de bonheur au cinéma. Moi, j'ai pas ça dans Tantilda, où j'ai pourtant un casting de stars, mais où je me dis à la fin, elles devaient avoir mal aux cordes vocales, Josiane Balasco et Sabine Azéma. Voilà, c'est pour ça. Pour moi, c'est ce qui manque peut-être entre un film et l'autre. L'évolution me paraît pour l'instant pas complètement réussie. Je voulais avoir ton avis aussi, parce que quand tu dis faute de quoi les talents matures du court-métrage, pourquoi ils passeraient forcément longs? Pourquoi ils resteraient pas finalement au court? Le jour où Hayao Miyazaki annonce justement qu'il fera plus de long-métrage et tout le monde a l'impression qu'il arrête le cinéma, alors qu'il veut arrêter juste la dictature quelque part des années impossibles pour faire un long-métrage, et il décide peut-être de faire des choses plus courtes, ça peut être intéressant. Oui, alors, cher Alexis, je pourrais vous répondre en deux temps à cette question. D'abord, la première, en fait, c'est une déclaration que j'ai entendue dans ton émission, quand même, donc de la part d'un producteur qui est Arnaud Demeuc. Et Arnaud, dans ton émission, expliquait que, bah, justement, lui, il avait un certain nombre de talents qui avaient, au film du Nord, donc un univers très mature dans le court-métrage, et il s'inquiétait de ce qui pourrait devenir dans le long. Donc, comment ils y trouveraient leur place? Donc ça, c'est le premier élément, et c'est pour ça que je disais ça. Finalement, je citais quelque part ce qu'il avait dit dans ton émission. Après, effectivement, tout le monde n'est pas obligé de passer au long. Moi, j'ai tendance à penser depuis quelques années, je vais pas à Annecy depuis si longtemps, ça fait que 7 ans, mais que ce qui était une réalité dans le film de prise de vue réelle, où on fait des cours et après on passe au long, à la fois par besoin économique, mais aussi par désir artistique, j'ai eu le sentiment, en allant d'année en année à Annecy, et en sélectionnant à l'époque des courts-métrages d'animation pour la semaine de la critique, que justement, l'envie des réalisateurs d'animation changeait. et qu'ils avaient envie ensuite de passer au long. Et qu'ils y arrivent ou pas. Et on peut prendre des exemples de gens et on peut en parler parce que bah, Cécile est là avec nous et elle connaît très bien un réalisateur. Et comme tu l'as nommé, Cécile Giraud-Babouche, et non pas Siro, mais Giraud-Babouche. Donc voilà, elle connaît très bien Cédric Babouche, réalisateur d'Imago. Cédric a un projet de long métrage, un projet qui pour l'instant n'aboutit pas, mais moi ce que j'en avais vu à l'époque, bah, c'était quelque chose de fantastique et de très beau. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il y en a de plus en plus, mais d'autres iront peut-être vers les séries télé. Et souvent c'est une envie parce que les courts métrages, quand on voit en effet, c'était Jérémy Clapin évidemment, Gilles Cuvillier, Franck Dion présentaient leur projet de long métrage aussi. Il y en a plein d'autres. Est-ce que aussi c'est parce que finalement ils passent quasiment le même temps pour faire un court métrage, donc peu de gens parlent finalement. Je ne sais pas, Cécile, c'est pas forcément pour parler de Cédric, mais en effet, il y a... Oui, non. Et puis je te ferai parler surtout parce que... Non, est-ce que c'est quelque chose qui, ça, en effet, joue, le fait de se dire, après tout, je fais un film, mais je veux aussi, c'est bien qu'on en parle un peu. Je ne peux pas parler pour tous les réalisateurs, ni d'ailleurs pour mon époux, mais... mais bon, j'imagine que... qu'ils sont tous par de narcissisme, assez développé. Donc forcément, ça joue. En même temps, c'est aussi, je pense, un désir de raconter quelque chose. Je ne vais pas dire de plus consistant, parce qu'on peut raconter des choses très consistantes en court-métrage, mais en le développant un peu plus sur la longueur. Ouais. Est-ce que toi, tu constates aussi ce que constate Francis, c'est-à-dire que de plus en plus de longs-métrages, mais que finalement, beaucoup de puérilité, en tout cas dans les films qui sont censés être donc pour le plus grand public, un plus large public, on va dire. J'aime pas le mot grand public, mais de plus en plus de longs métrages, de plus en plus de longs métrages qui sont censés pouvoir toucher le plus grand nombre de gens possible, de 3 ans à on est sur des films en 3D, Moche et Méchant, Planes. Mais bon, ça c'est bon faire suite à Cars. c'est le film américain. Oui. Parce que les films américains, on le sait, ils ont toujours ça, souvent été comme ça, notamment en animation. Là, d'un seul coup, on est sur des films français. Moi, j'en ai vu aucun. Hein. Maman est en Amérique, Tante Hilda, j'ai pas vu du tout ça à Annecy. Mais est-ce que toi, t'as ressenti ça, en effet, que même les films français, d'un seul coup, s'ouvraient aussi à un public plus large? Je sais pas. Moi, j'ai pas vu beaucoup de longs métrages à Annecy. Mais en long métrage français, l'année dernière, il y avait Le Jour des Corneilles, par exemple, qui, pour moi, était un coup de cœur l'année dernière. Sauf que, est-ce que. Ce qu'on peut critiquer dans Le Jour des Corneilles, c'est cette idée de toujours. Enfin, qu'un film qui est intéressant. Et moi, je me rappelle toujours, il y a une scène qui m'a marqué où le père le fait rouler dans le tonneau. Je raconte toujours cette scène. C'est quand même difficile de rouler dans un tonneau et d'arriver en bas. Et le petit garçon arrive en bas. Le tonneau, heureusement, c'est une mare et il y a une grenouille sur la tête qui permet d'un seul coup d'éviter justement. Il a quand même roulé toute une falaise dans un tonneau. Peut-être, mais alors, il y a 2 jours, j'ai vu pour la première fois L'Argent de poche de François Truffaut, dans lequel un petit garçon qui doit avoir 2 ans tombe de la fenêtre du 7e étage. Il tombe, il se relève, il a rien, ouf, heureusement. Voilà, donc oui. Donc c'est pas la fanache du film d'animation. Ouais, mais ça marche mieux en prise de vue réelle. Après, on peut aussi insuffler de la poésie, du fantastique, quelque chose. Mais c'est pas parce que c'est de l'animation qu'on doit s'interdire un peu de magie, on va dire. Florian, toi tu vois plein de films à Annecy aussi. Est-ce que tu ressens ça, cette idée? Alors toi tu vas voir tout, tu vas pas que pour pour la programmation du jeu d'Ursuline, t'aimes ça, donc tu vas voir tous les longs métrages, t'essaies de voir. J'y vais quand même pour la programmation des Ursulines, ouais. Parce que notamment, même si ma programmation habituelle d'exploitant de films en sortie nationale, j'ai mes rendez-vous d'animation, j'ai mes soirées court-métrage, ce genre de choses. Donc de toute manière, les films adultes que je vais voir, c'est pas uniquement pour mon plaisir non plus, c'est aussi pour le boulot. Moi j'aurais tendance à dire déjà que c'est pas que dans l'animation du tout. C'est-à-dire que en prise de vue réelle ou en prise de vue continue, ça c'est un autre débat, mais on a aussi beaucoup ça, c'est que de toute manière on a une économie globale qui prend les gens vraiment pour des enfants dans le mauvais sens du terme, puisqu'il méprise les enfants, donc il méprise aussi leur public adulte qui considère comme comme des gamins. Et ça, c'est valable du téléphone qui change de version tous les 6 mois et qui coûte 3 salaires à chaque fois, à au cinéma. C'est-à-dire que de toute manière, on prend les gens un peu pour des abrutis. Et nous, notamment, que ce soit au niveau du journalisme ou des programmateurs, des distributeurs d'art et essai, ce genre de choses, on a un peu de temps en temps l'impression de ramer à contre-courant. Mais c'est ça aussi qui nous donne la pêche, c'est-à-dire c'est justement d'aller chercher ces films. Et ce que disait très bien Francis, c'est le côté, c'est pas parce qu'on fait un film pensé par des, pour des enfants qu'on va faire un film puéril et qui les prend pour des abrutis. Et voilà, je pense qu'à peu près n'importe quel film de studio américain en ce moment prend les gens pour des abrutis. Oui, les gens en général, pas forcément les... Complètement. Les enfants. Alors, pour avant de donner la parole à Marie, pour en effet quand même donner la réponse de Benoît Chieux, il répond donc au texte de Francis en disant « J'ai un très grand respect pour le public enfant, entre guillemets, très réactif, ouvert, exigeant et souvent bien plus pertinent que le public adulte. Faire l'amalgame entre un film puéril, entre guillemets, et un film pour enfants, toujours entre guillemets, c'est véhiculer, l'idée totalement fausse et infondée que les films pour enfants sont par définition bêtes et immatures. Voici quelques films ayant un contenu pour enfants qui n'ont rien de puéril, Katia et le crocodile, Le Petit Fugitif, La Clé, les films d'Hayao Miyazaki, Le Roi et l'Oiseau, Chier la Petite Peste. Après, il précise que si tu regrettes la surenchère du grotesque et des gags, une mise en scène simpliste dans les films avec un contenu pour enfants, comme tu le disais toi-même, un contenu pour adultes est loin d'être une garantie contre justement ça. Et alors déjà ça, je te sens... Non mais... Mais moi, j'étais... Après, si tu veux, on lui a fait la proposition à Benoît Chieux plutôt que ça reste un échange entre de mails entre lui et moi, finalement dans un côté un petit peu confidentiel. On lui a dit, avec Benoît Marcadier des Fiches du Cinéma, si vous voulez, on va le mettre sur la page d'ouverture du site des Fiches du Cinéma. Comme ça, ce sera non pas juste un droit de réponse, mais une tribune. Et comme ça, on ouvre un petit peu le dialogue, sachant que moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, parce que je pense pas avoir fait l'amalgame. Après, effectivement, je pense qu'il y a eu un comme je dis en deux phrases très lapidaires du mal de Tantilda, et que il en est le co-réalisateur, évidemment il se sent blessé. Je peux le comprendre parce que il est créateur, il y passe du temps. Il y a d'ailleurs un très bel artbook sur le travail qu'il a fait pour Tantilda, et j'ai reçu le artbook de la part de Folimage. Je le trouve absolument magnifique, et je l'ai mentionné aussi qu'il était magnifique, sauf que je trouve que le film ne rend pas grâce à ce travail graphique. Oh, mais ça, les artbooks, je sais pas, Valentine, je me retourne vers elle, elle est pas, mais je sais pas, non, toi tu regardes souvent les artbooks ou pas d'animation ou pas trop? De temps en temps, oui. D'accord. Non, on a l'impression toujours qu'au niveau création, les artbooks sont souvent beaucoup plus détaillés. De toute façon, il y a beaucoup plus de recherche au niveau visuel que dans le film fini, non? Est-ce que c'est pas quelque chose de d'évident? T'as jamais vu ça, une grande... Non mais c'est pas un piège, hein, c'est juste, est-ce que quand tu regardes un je sais pas, moi, l'artbook de Totoro, ouais, même Totoro, et on regarde le film fini, même s'il est très beau, il y a une grande différence. En animation, c'est un peu obligatoire, non? En même temps, enfin, quand tu fais 50 fois le même dessin, c'est sûr que tu n'auras pas le même détail que sur un seul dessin. Donc c'est bien une obligation que finalement, le artbook est toujours plus riche, finalement, que le film en lui-même. Non, pas. Enfin, pour moi, là, en dehors de l'aspect technique et qui donne le plaisir de découvrir le travail de recherche graphique, qui effectivement est intéressant parce qu'on voit l'évolution. Et dans ce cas-là, c'est aussi l'intérêt du artbook en dehors d'être un beau livre. C'est ça. Mais non, moi, après, je dis, le film rend pas hommage à la beauté du travail graphique fait par les principaux collaborateurs du film. Parce que c'est un film d'hystérie, c'est tout. Donc je pourrais le redire. Non, mais bien sûr. Non, mais. Pour tout citer, et dans ce cas-là, moi j'y vais, j'enfonce le clou. J'avais, et c'est ce que Benoît Chieux me reprochait, j'ai écrit dans le texte que, en ce qui ce qu'il écrit, Benoît Chieux, en ce qui concerne Tantilda, ma maman est en Amérique, Aya, vous dites qu'ils font partie de la masse de récits pop-corn négligemment consommables. Donc, effectivement, moi j'ai eu ce sentiment-là, c'est mon sentiment, je l'exprime, je vais pas en demi-mesure pour l'exprimer, je sais aussi ce qu'est la fragilité d'un créateur, mais j'allais pas le dire, parce qu'il y a un moment il faut dire les choses. A contrario, moi quand je vois plein de gens qui se lèvent pendant la projection de Jasmine d'Alain Huguetto, ça me fout les boules. Bon, bah, oui, du coup, bah, ça exprime aussi. Est-ce que ça, c'est l'une des problématiques qu'on anime en animation? Moi, je... les gens qui écoutent Bulle de Rêve le savent, il y a quelque chose qui est le syndrome Blanche-Neige pour moi. Je me suis fait refuser un article à Positif sur ça. J'aime beaucoup Gilles Simon et les gens, hein, mais voilà, je me suis fait refuser parce que je lui dis, en effet, je pense que 37 Blanche-Neige et Blanche-Neige, maintenant, met l'animation, le long métrage d'animation dans un style et dans une animation très... comment dire stylisée, puis qui va très loin, en fait. Je veux dire, qui malheureusement empêche de finalement faire un film d'animation à l'acrylique, à la jasmine, qui sont finalement le... c'est une personne qui d'un seul coup se dit « Allez, je me lance là-dedans ». Et finalement, on n'a rien depuis. Enfin, c'est très difficile de faire un film, on sait, pour peu d'argent, en long-métrage animé. Et donc, c'est... enfin, je sais pas, je trouve ça presque impossible, aujourd'hui en tout cas. Bah, en tout cas, difficile, sans doute, quoi. Mais juste pour... peut-être terminé, parce que toute l'émission ne va pas forcément être là-dessus. Mais moi, au point de départ, ça part aussi d'un texte que je trouvais très juste, qui était le texte de Le billet de mauvaise humeur de Serge Elissalde dans la lettre de l'AFCA, où lui-même pointait, et lui, là, il est quand même, c'est également un artiste, hein, pointait l'infantilisation de l'animation, mais pas seulement, en fait, de l'ensemble des intervenants qui sont, alors pas uniquement des créateurs, mais l'ensemble des intervenants de la filière animation, jusqu'au bout du compte, au public. Et voilà, et moi je trouvais que c'était un article passionnant, et j'aurais aimé que cet article, qui était une tribune en réponse au texte de Vincent Maraval sur les acteurs trop payés, bah, ait le même aura, et qu'on puisse le lire dans Le Monde aussi en réponse à l'article de Maraval, parce que je trouve le texte d'Elissalde très juste, et moi c'est un peu ce qui m'a nourri aussi pour voir les films à Annecy cette année. On avait parlé du texte. Est-ce que tu veux dire quelque chose ou... Non, moi, je sais pas, après, voilà, donc j'ai pas vu beaucoup de longs métrages là cette année, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même une diversification au niveau visuel, enfin, voilà, stylistique en animation. Par contre, c'est effectivement au niveau du scénario qu'on est dans des choses. Oui, parce que ça intéresse ça, parce que pour finir, Benoît Chieux dit, il parle ensuite du graphisme. En disant, en effet, par contre, il y a un graphisme dans les films européens qu'on ne retrouve pas dans les films américains. Et en effet, il dit quelque chose, et Benoît est le bienvenu, évidemment, pour... il est loin, malheureusement, à Valence, et donc c'est pas évident pour l'inviter, mais il dit, c'est assez drôle, il dit, les thèmes abordés dans ces trois films, pour finir la phrase dont tu parlais tout à l'heure, Francis, les thèmes abordés dans ces trois films sont très loin des schémas narratifs disneyens. Comme si avec finalement que cela qui existait, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est obligé forcément de se comparer à Disney, en oubliant peut-être qu'aujourd'hui, heureusement, Ghibli existe, et que d'ailleurs Jacques-Rémy Gérard, qui lui-même se dit tout le temps mes amis japonais et veut descendre absolument ses anti-Disney. De toute façon, il a fait des films anti-Disney à l'époque, hein. Donc et c'est assez bizarre toujours cette volonté en animation de se calquer uniquement sur le sur Disney, comme s'il y avait rien d'autre. Est-ce que c'est un problème de nous? Est-ce que c'est un problème de journalistes, d'historiens? Finalement, on dit, attendez, il y a autre chose. Parce que j'ai l'impression que les distributeurs et les programmateurs font plutôt bien leur boulot. Il y a des choses différentes. On sait bien Marie. Qu'il y a autre chose, mais ça reste voilà, une référence inconsciente qu'on ramène toujours comme ça. Voilà, toi, par exemple, quand t'as tes programmes, t'es, par rapport aux distributeurs, il y a 10 ans, là, je pense qu'ils ont... ils connaissent maintenant ou quoi, il y avait toujours cette idée de dire « Ah, oh, c'est pas assez Disney, ou c'est pas assez bien animé, ou c'est pas ceci ?» Non, parce que nous, on a la chance de travailler qu'avec des salariés essais, donc des programmateurs qui ont quand même relativement bon goût, et qui... et qui, voilà, aiment la diversité et sont tout à fait reconnaissants de notre travail, justement, d'aller dénicher des choses dont l'animation va être surprenante, va être différente, quoi. Est-ce que toi, t'as l'impression que ton travail aujourd'hui est plus difficile qu'il y a 10 ans? Ah oui, oui, très clairement. Oui. Pourquoi? Alors, il est plus difficile. Y a plusieurs raisons conjuguées. D'une part, il y a plus de films sur les écrans. Chaque semaine sort en minimum 15 films. Voilà. Donc, il y a de moins en moins de place sur les écrans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport à ma spécificité de distribution de films jeunes publics, il y a de plus en plus de distributeurs de films jeunes publics. Donc les deux raisons conjuguées font que ça devient assez compliqué de faire programmer ces films dans les salles, quoi. Ouais, parce que je trouve ça assez fou. J'ai BK qui fait du Frère Fleischer. Je suis personnellement ravi qu'il sorte des Frères Fleischer, mais c'est vrai que c'est assez étonnant d'imaginer Coco le clown en salle aujourd'hui. C'est assez surprenant. On l'aurait pas vu à une époque. Des Griffiths sortaient déjà en prise de vue réelle, mais que d'un seul coup on ressorte les films de Fincher, à part le fait. Non, mais justement, c'est aussi pour diversifier un petit peu les choses, quoi. Non, mais c'est bien, mais ouais. Je pense qu'il y a 5-6 ans, est-ce qu'on aurait 10 ans, est-ce qu'on aurait vu ça? Oui, c'est bien que tu te sois repris, parce que le tournant a été il y a en gros 5-6 ans. C'est-à-dire que il y a 10 ans, c'est pas dit, on avait déjà quand même des films de patrimoine, mais les ressorties massives de films de patrimoine arrivent. Alors, un peu avec le numérique, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'il y a quand même des distributeurs qui faisaient des rééditions régulières avec des superbes copies. Et d'ailleurs, voilà, moi je regrette un peu ce temps-là, on avait vraiment des superbes copies, et pas des flashages mal faits. Et c'est ce que dit Marie, et en plus, quand on est distributeur ou exploitant, en réalité, c'est les deux faces d'une même pièce, et c'est aussi le problème pour les exploitants, parce qu'on se retrouve nous, avec trop de films pour nos écrans aussi, avec des choix cornéliens à faire très régulièrement, et après ça, des grandes périodes de disette. Donc c'est parce que évidemment tous les films sortent en gros entre octobre et mars, on va dire à peu de choses près, pour notamment le jeune public, hein, j'entends, et ça pose des vrais problèmes. Et donc moi ça me fend le cœur à chaque fois quand je dois dire non à un partenaire privilégié avec lequel je bosse depuis très très longtemps, parce que il avait juste fallu faire un choix, et des fois, alors à qualité égale, à envie égale, il m'arrive de faire des choix politiques, effectivement, de me dire je vais en prendre un par exemple de chez Marie Emmanuel, et puis un de chez Valérie et Marc, voilà, c'est donc de GBK. Et donc c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a, on n'a pas envie de planter les potes, et en même temps, voilà, ils ont tous sorti en même temps, et il a fallu qu'ils sortent deux coups de cœur en simultané, quoi. Et c'est très, voilà, des fois, c'est vraiment. Est-ce que c'est important justement d'avoir, tous les deux pour répondre, d'avoir des salles qui prennent des risques, on va dire, sur un long. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, en effet, il y a tellement de films qui sortent qu'on dit, tiens, je te le garde une semaine. Alors bon, toi, t'as une salle, c'est différent. Tu peux pas dire, je te le rétrograde de suite dans la petite salle, etc. Mais est-ce que c'est important d'avoir justement des salles qui disent, moi je te le prends pour 4 semaines et on va tenter le coup, parce qu'on sait bien que les gens vont peut-être venir au bout de 3 semaines seulement. Oui, là aussi c'est vrai qu'on a vu une modification. Effectivement, nos films avant, on pouvait rester dans une salle 4-6 semaines en se disant qu'il y avait un travail sur la longueur qui allait se faire, que le film ait le temps de s'installer et tout. Et là maintenant, les programmations, c'est plus 15 jours, quoi. 15 jours, 3 semaines maximum, quoi. Maximum. Mais au bout de 3 semaines, il faut laisser la place à un autre film, quoi. Ouais, ça peut pas rester. Toi, Florian, tu essaies de faire des efforts, non? Il y a des films qui sortent des fois sur un long terme, mais pareil, c'est compliqué aujourd'hui. C'est de plus en plus compliqué. Je ne fais pas du tout le même boulot qu'il y a une dizaine d'années, et même moins longtemps, parce que Mouxine, par exemple, qui est un film malais en prise de vue continue, mais qui était sorti au film du Préau, j'avais gardé 12 semaines. Bon, alors effectivement, il avait un horaire le samedi soir, mais je voulais le défendre jusqu'au bout. Et voilà, je peux difficilement le faire. Enfin, encore sur un horaire, je peux réussir un peu. Et là, on a un cas d'école avec justement les films du Préau, qui était On allait être à Momo, et puis quelques semaines après, il y a Léo et Fred, un programme de court-métrage de Paul Tott qui sort. Et j'ai vraiment laissé le choix. On en a discuté longuement avec Marie, avec Emmanuel, de est-ce que je sors. En gros, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu veux que Léo et Fred aient une sortie avec une salle de plus, Paris, donc nous en l'occurrence, ou est-ce que tu veux que je laisse plus longtemps, plus d'horaire à Lettre à Momo? Parce que Lettre à Momo, je l'aurai toujours au moment de Léo et Fred, mais voilà, ça se joue à 2-3 horaires, donc qu'est-ce que tu préfères sur l'exposition? C'est-à-dire que c'est terrible, c'est-à-dire que même vous maintenant, en tant que distributeur, vous êtes obligé, pour être tout le temps présent, de raccourcir vos dates de sortie. C'est vrai que du coup ça nous oblige à, par exemple, sur des sorties consécutives, de faire bien attention aux fameuses tranches d'âge dont on va parler juste après. Voilà. Un petit break, et on va parler de cette fameuse tranche d'âge. Donc Lettre à Momo, par exemple, on dit que c'est pour un public à partir de 7 ans. Donc effectivement, la sortie qui suit quelques semaines après, pour pas se faire s'autoconcurrencer. Oui, voilà, s'autoconcurrencer. Ben, on va sortir un film qui va pas être sur la même tranche d'âge, pour essayer quand même qu'il y ait une visibilité. Franchement, ça devient assez compliqué, quoi. Et est-ce que le numérique permet quand même d'avoir, parce qu'avant, l'idée de sortir une copie dans une salle, enfin d'avoir, et puis te dire, bah, je peux pas le laisser 10 semaines à Paris, mais il faut que je la. Ça dépend des films, France, ouais. Par exemple sur Léo et Fred, qui sont des films anciens. Pour avoir un DCP, ça demande quand même des coûts importants parce qu'il faut restaurer, il faut scanner, enfin il faut. On n'a pas le matériel, donc il faut le créer. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un coût important dès le départ. Donc par rapport à une sortie en 35 mm, ça ne change pas grand-chose. Sur des films anciens, je parle. Hein. Sur des films récents, oui, c'est un peu différent. Mais... Bon, on va faire une petite pause musicale. C'est pas mon choix. Mais c'est très bien, c'est très bien. Elle sait pas. On va écouter donc, ben, juste le morceau qu'est après. On revient pour que Valentine nous le désannonce. C'est comme ça qu'on dit merci, Francis. Are changing fast. faut que je dise. Là, faut que tu désannonces, en fait. C'est sa première émission, hein, c'est pour ça, faut que tu dises ce qu'on a écouté. Ah, donc on a écouté Covenant, The World is Growing Loud. Merci. Et puis voilà. Donc c'est un groupe suédois, voilà, qui, un groupe qui aime beaucoup Valentine. Non, c'est normal, c'est la première émission, mais... J'étais même pas au courant de ce que tu passais. Voilà. Et je me fais engueuler. J'étais sûr que je me ferais engueuler dès la première émission. Est-ce qu'on peut écouter juste un tout petit bout de ce qui vient après? Pourquoi se laver dans le bain? Est-ce que ça fait grandir? Pourquoi si, bah ça? Pourquoi ça passe si? Qui, que, quoi donc? Et c'est quoi l'idée? Oui! Et c'est quoi l'idée? Les... Ah, on peut encore écouter un petit peu. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Tout va bien Hugo? C'est quoi un ami? Moi je sais. Oh. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on joue. Alors, ils sont tous effondré, non. Oui. C'est pourtant quelque chose d'un... Enfin, j'ai reçu ça récemment. C'est quoi l'idée? C'est une émission qui est diffusée dans Debout les Zouzous. Moi, je connais pas du tout, j'ai pas la télé sur France 5. On dit comme ça, je pense. Je me demandais, est-ce que il faut absolument avoir une voix comme ça quand on parle aux enfants? Est-ce qu'il faut être... J'étais un peu surpris parce que j'ai reçu ça. La qualité, c'est de la qualité d'ordinateur, c'est de la synthèse, mais après tout, bon, il faut bien une diversité. Moi, je suis pas... C'était juste d'avoir ma surprise, d'avoir... Et les enfants, c'est quoi? Et alors, ils mettent pas... ils mettent 52 épisodes de 5 minutes sur les questions existentielles que se posent les enfants de 4 à 7 ans. Voilà. Oula. Est-ce que quelqu'un, je sais pas, Cécile, elle a quel âge? Non, t'as été une petite fille. On m'a invité parce que j'ai une petite fille de 3 ans. Pas que ça, hein. T'exagères. Alors nous, bon, on n'a pas la télé non plus. Je m'en doutais. Ouais, mais s'il y a que des gens qui n'ont pas la télé, ça ne va pas le faire. Quoi. Alors, c'est pas, moi, pour ça c'est pas pour ça que notre fille ne voit pas de dessin animé, de film d'animation, pardon. Voilà, après, elle voit certaines choses qui passent à la télé, MOOC par exemple, voilà, regarde MOOC, qui n'est pas forcément... pour sa tranche d'âge, parce que voilà, qui est plutôt ciblée 7, 8 ans. Sinon, elle regarde, comme tous les enfants, elle a des fixations. Donc elle a des fixations, elle a eu sa fixation sur Totoro. Elle a eu sa fixation sur Kiki la petite sorcière. Elle a sa fixation sur Mickey. Mais le Mickey des années 30. Quand même. Voilà. Ouais. Et alors, dans Mickey des années 30, je ne sais pas si vous en avez en mémoire, mais c'est hyper violent. C'est très violent, bien sûr. Dans pleine crazy. Et oui, ce sont des choses qu'on ne verrait plus à la télévision de nos jours. Donald se fait électrocuter un épisode sur deux. Plutôt, finit bourré un épisode sur deux aussi. C'est peut-être des parents indignes. Et voilà, donc c'est des choses, ce genre de choses qu'elle voit. Donc, après, l'expérience prouve que quand on va dans d'autres lieux, à la bibliothèque par exemple, et qu'il passe oui-oui, elle se précipite sur oui-oui, ou elle se précipite sur Tchoupi. Donc ça veut dire que, comme dit Doyon, il y a une obligation des parents de leur montrer un petit peu autre chose, et à la fois, il ne faut pas non plus les empêcher de regarder finalement... Non, mais on sait que hors de la maison, ils verront d'autres choses de toute façon. Donc autant essayer de voilà, d'aller un petit peu plus loin quand on est dans le cercle familial. Alors, autour de la table, comment on juge? On va peut-être commencer avec les critiques, les deux journalistes. Après, je vais demander aux distributeurs et aux programmateurs comment on juge d'une tranche d'âge. Comment vous avez fait première séance? Comment on peut dire? Alors, dans première séance, j'ai pas lu le livre, mais il y a 12 pages qui sont visibles, hein, sur les fiches du cinéma. C'est première séance sans film pour les 3-6 ans. 18 €, les fiches du cinéma. Donc sur le site desfichesducinema.com, vous pouvez lire 4 fiches pour chaque âge. 3 ans Fantasia, 4 ans les fables de Starevitch, 5 ans The Kid, 6 ans les demoiselles de Rochefort. Vous avez un critique du film et un résumé, voilà, plus à la fin, un répertoire avec des noms de studios, de thématiques, de réalisateurs. Un volume 2 est déjà prévu normalement, en tout cas sur les 7 et 10 ans. Comment vous avez, il y avait tout un une table et vous avez dit ah non ça c'est 3 ans, non ça c'est 4 ans, non ça c'est pas. Bah, oui. Cécile. Alors évidemment, Francis et moi sommes invités parce qu'on a participé aussi à cet ouvrage. Le fait est que on n'est pas à l'origine du projet et que finalement, comment se sont sélectionnés les films, que c'était des décisions collégiales, un peu des coups de cœur et pas forcément que des films qui sont reconnus comme voilà des monstres de films pour enfants qui sont pas que de l'animation d'ailleurs. Oui, bah oui, c'est ce que je sais, 5 ans The Kid ou 6 ans Mademoiselle de Rochefort. Et après, choisir les tranches d'âge, enfin, je pense que tout le monde aura beaucoup de choses à redire sur pourquoi est-ce que tel film est sélectionné à 5 ans et pas à 3 ans. Je pense que après. Les aventures du prince Ahmed à 5 ans. Ouais. Mais pourquoi pas avant? Ça, Francis? C'est ça. Bah, moi, si tu veux, je pense que je ne saurais pas répondre à cette question et peut-être que Marie et Florian seront mieux que moi parce que moi-même, j'avoue que je sais pas. Après, bon, il y a une interview au début du livre d'une pédopsychiatre qui explique comment fonctionne un enfant plus jeune. Donc, pour un enfant plus jeune, bah, il faudrait des films plus courts parce qu'il a pas encore il fonctionne sur une mémoire vraiment rapide et à court terme, donc il va pas forcément se souvenir sur un film qui durerait une heure du début du film, et c'est aussi pour ça qu'il y a une réappropriation souvent longue dans un désir de voir et revoir le film pour se l'approprier parfois dans son ensemble, mais ça c'est pas juste lié à la première tranche d'âge. Donc voilà, il y a peut-être des éléments comme ça. Après, si tu veux, Cécile comme moi, on a un peu participé à la marge sur ce premier tome. On n'a pas fait partie du comité de rédaction initial. Il se trouve que bon, moi, les gens des Fiches du cinéma, je les connais bien puisque ils participent à mon émission ici même. Et donc on en a parlé. Et effectivement, ils se sont tous réunis et ils ont commencé à réfléchir à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils avaient vu à cet âge-là, quoi. Et de quoi il se rappelait, et effectivement, après, le choix a été entre des incontournables, du cinéma jeunesse, je vais dire, par défaut, et puis aussi des coups de cœur, par exemple, le choix du Disney, quel Disney on choisit? Parce qu'on, pourquoi, il y a comme ça la chape de plomb Disney, mais on y est tous passés à un moment ou à un autre, quoi. Donc, je sais pas, si j'avais été à ce moment-là autour de la table, moi j'aurais dit, mon Disney, c'est le Livre de la Jungle, parce que c'est le premier que j'ai vu. Voilà. Donc après, c'est dire, il y a Fantasia d'un côté, parce que c'est le Disney d'auteur. Donc qu'est-ce que bon pourquoi après finalement il y aura Répondsi dans des Disney plus récents parce que c'est peut-être le plus drôle dans cela. Donc après il y a effectivement une part de on mêle l'incontournable et les coups de cœur. Est-ce que ça paraît aujourd'hui c'est une obligation, c'est quelque chose qu'on vous a, enfin on demande souvent, dire tiens j'aimerais bien un guide pour mes enfants, etc. Cécile? Les parents sont quand même très demandeurs. Mon fils, ma fille a tel âge, qu'est-ce que je peux lui montrer, quoi. Mais c'est bon, à l'époque où donc j'avais une librairie de cinéma, on collaborait avec une boutique de DVD, les gens étaient très demandeurs de cinéma pour leurs très jeunes enfants, à partir de 2 ans et même plus jeunes. Donc après, est-ce qu'il faut les mettre devant un écran avant 2 ans, c'est un autre débat, mais savoir, c'était, il fallait que le fait que les DVD soient classés par tranche d'âge, c'était hyper important pour les parents. Alors après, le plus important, c'est pas de savoir si le film est adapté, enfin si c'est important, mais si c'est dans la tranche 2-3 ans ou 3-4 ans, c'est que l'enfant soit accompagné dans sa découverte du film. Et effectivement, les enfants demandent à revoir les films. Et ça fait partie du processus de découverte. Et voilà, tous les parents sont forcés d'être un peu esclaves de leurs enfants à ce moment-là. Francis, tu veux dire quelque chose ou Non, parce que effectivement, quand Cécile avait cette librairie, moi je me rappelle d'une anecdote avec une cliente. Il y a des modes, on parle de Disney, mais à une époque, il y a une très belle mode, et grâce au film du Préau, c'était La Petite Taupe. Et les films vus en salle, peut-être dans des séances spéciales, après la sortie de La Petite Mallette avec Arte. Mmh. Donc les parents, finalement, quand ils venaient, je me rappelle une fois avoir assisté à ça, dans le magasin de Cécile, disaient, est-ce qu'il y a une nouvelle Petite Taupe? Et s'il n'y en avait pas forcément, à une petite déception. Et je me rappelle une fois où j'étais présent, avoir dit à la dame, mais il y a un film qui est très bien, c'est un court-métrage, c'est Une girafe sous la pluie. allez-y, ça vaut vraiment le coup et ça sera autre chose. Ça va être autre chose que du Disney, ça va être autre chose que la petite taupe. Mais je pense que voilà, vous voulez un film un petit peu intelligent et en même temps très très beau. N'hésitez pas, quoi. Découvrez. C'est-à-dire qu'en fait, oui. Pour faire découvrir aux enfants, il faut déjà que les parents eux-mêmes prennent le temps de découvrir. C'est ça la complexité. C'est vrai que La Petite Taupe, c'est quand même un gros best-seller que tous les parents et tous les enfants connaissent maintenant. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on est dans du cinéma tchèque, les années 60. Hein. On sort complètement des sentiers battus, a priori, mais ça devient le nouveau best-seller. Ça empêche peut-être un peu les parents de... Ouais, c'est ça. Heureusement, c'est un peu mieux, un peu plus intéressant que certains autres best-sellers. Enfin, même beaucoup plus intéressant que certains autres best-sellers. Ah oui, c'est même, super, on peut le dire. Mais c'est vrai que c'est toujours... Voilà, il y a quelque chose qui remplace un autre. Enfin, après, chaque enfant est différent. Et c'est vrai qu'un enfant qui peut se concentrer sur 10 minutes, un autre sur une demi-heure, un autre sur une heure... Je suppose qu'un enfant qui regarde... Les enfants n'ont pas du tout la même... Moi, j'ai un petit garçon. Je connais un papa qui a montré L'étrange Noël de Monsieur Jack à son petit garçon de 3 ans, par exemple. Je suppose qu'il va réagir différemment quand il regardera un autre film à 6 ans que le petit garçon qui l'a vu qu'à 10 ans. Marie, sur le site des films du Préau, donc les films du Préau du cinéma pour les enfants, 3 petits points quand même. Tout à fait. Pour montrer qu'il y a peut-être aussi pour les grands et voilà, mais pour les, je sais pas, ces 3 petits points. Donc il y a pas mal de longs métrages, hein, enfin quelques longs métrages, notamment d'animation. Il y a Océam, il y a un bout de temps, qui était déjà un film assez dur. C'est sorti il y a une dizaine d'années. Ouais, hein, qui était déjà un film pas évident, programme de cours. Et sur le site, il y a en effet la possibilité de voir à partir de 2 ans, 4 ans, 7 ans et 9 ans. Est-ce que c'est une obligation de travailler avec ensuite les salles et de leur dire « Ah, là c'est bon, vous pourrez le voir, c'est les parents, pourquoi ?» Il y a un peu les deux. Il y a effectivement, avec les salles de cinéma, c'est un langage courant, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on sort un film, on doit indiquer la tranche d'âge. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que les programmateurs, ils pourraient se faire leur propre idée, mais peut-être certains d'entre eux ont besoin d'être guidés, je suppose que c'est ça. Et donc, on indique une tranche d'âge conseillée. Alors, c'est conseillé, hein, c'est pas obligatoire. Comment vous faites, Emmanuel? Vous regardez le film, vous regardez toutes les deux, et vous dites, 4 ans là, allez. C'est instinct. Enfin, on réfléchit pas pendant 3 jours. Hein, c'est pour 4-5 ans. Ça va de soi, en fait. Quand on regarde un film, ça va de soi que. Alors, c'est selon nos propres critères, j'imagine. Mais c'est quoi les critères? Parce que, par exemple, on va parler de L'être à Momo, mais le film fait 2 heures. Oui. Donc, il est long, c'est assez difficile, on l'a dit. Hein, les enfants ne tiennent pas forcément. Mmh. Est-ce que ça, vous dites, ah, ça aurait pu être bon pour 5 ans, mais on va le mettre à 7 ans parce que 2 heures, c'est trop long? Non, parce que 5 ans, d'abord, il y a la durée, effectivement. Et puis... les yokai, donc les monstres, 5 ans, ils peuvent faire peur certain moment. Donc, quel sujet, le thème? Oui, il y a le sujet, la durée, le thème. Ils sont en VO et en VF, donc il y a une VF quand même. Mais il y a tout ça. Est-ce que le graphisme, par exemple, de dire vous avez sorti Monsieur et Monsieur de Poyard, et de se dire, peut-être que ça va dater un petit peu, est-ce qu'on... On fait attention ou non? Non, parce que là, tout. Dans le graphisme, par rapport à L'être à Momo, au contraire, c'est un graphisme, tout est en rondeur, tout est dans les couleurs pastel et tout, donc on n'est pas du tout dans un visuel agressif, quoi. Non, je parlais justement plutôt, monsieur, de se dire, quand on va aller voir des salles, alors on va demander à Florian après, mais de se dire, si on leur dit 5 ans, ils vont se dire, attendez, vous avez vu, c'est un peu statique, l'animation n'est pas la même. Monsieur, c'est pas 5 ans, ça se voit tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est quand même pour les bébés, quoi. D'accord. C'est... je vous ai dit que j'étais nul, hein, en enfant, c'est pour ça. Voilà, c'est des petits oursons. Oui, effectivement, c'est assez statique. Et puis le propos, enfin, il y a un ensemble de choses, quoi. Je sais pas, même moi, j'ai du mal à expliquer parce que c'est tellement instinctif. Et donc, pour revenir effectivement aux parents, les DVD, c'est vrai aussi qu'ils aiment bien quand on... Alors, les parents avertis, évidemment, parce qu'il y a quand même encore des parents qui emmènent des tout-petits dans les salles de cinéma voir des films qui leur sont pas du tout destinés, quoi. C'est juste parce qu'ils ont un enfant de 10 ans et qu'ils peuvent pas laisser le petit à la maison. Donc, le petit à 3 ans, il suit et il se retrouve dans une salle de cinéma. Mais est-ce qu'il se retrouve dans les films d'animation? Il va plutôt se retrouver voir, le dernier gros blockbuster américain, non? C'est pas tellement... Les parents vont pas amener... Non, si les parents, l'air de dire, vont dire... Oh, on va... Si. Les deux, ouais, les deux. Mais donc là, c'est vrai que nous, on s'adresse aux parents un peu avertis. Ah, ouais. Même ces parents avertis aiment bien quand on les conseille sur l'âge. Vous travaillez vraiment en amont, on va en parler un petit peu après pour l'être à Momo, mais je sais pas si avec des associations, ce genre de choses, pour justement au niveau de l'âge, ah ben tiens, là on a vraiment un film qui serait bien pour les tout petits, là on a un film qui serait bien pour les plus grands. Ah ben non, c'est les cinémas qui. D'accord. Notre relais, c'est les cinémas, et voilà, c'est eux qui font un travail de proximité justement avec les associations proches de chez eux, les écoles, les centres de loisirs. Voilà, ça c'est du ressort des salles de cinéma en fait. Et ça tombe bien parce qu'on a un responsable de celle de cinéma. Donc, toi, comment tu fais pour. Quand tu regardes, parce que sur le site aussi, hein, sur le site du studio Ursuline, par exemple, il y a marqué Monstre passé, monstrueux à partir de 6 ans. Est-ce que ça, c'est toi qui le décides avec ton équipe ou est-ce que tu prends ce que te donnent les distributeurs? C'est ce que disait Marie, normalement, c'est notre boulot. Et effectivement, bon, il y a toujours des gens qui aiment bien du pré-mâché et qui utilisent les. Il faut savoir qu'il y a beaucoup des collègues qui prennent les films, notamment les films jeunes publics, puisqu'il y a un traitement du jeune public qui est quand même très méprisant, comme je disais tout à l'heure, et qui les prennent sans les voir. Il faut le savoir aussi quand même, il faut en être conscient. Hein. Ils prennent ça juste pour la tranche du samedi matin. Voilà, exactement. Ils se prennent en MSD, n'est-ce pas? Donc mercredi, samedi, dimanche à 14h. et ça peut aussi se faire comme ça. Heureusement, c'est pas la majorité, notamment des gens qui travaillent avec les films du préau, mais ça fait partie quand même des. Il y a des années, quand le long métrage South Park était sorti, je te dis pas le nombre d'enfants qui sont allés le voir parce que les parents n'avaient rien à faire, qu'à l'accueil, les gens n'étaient pas formés. C'est un dessin animé, on le montrait aux enfants, quoi, point barre. Donc ça, c'est plutôt dans les grosses structures En général, mais il arrive, SMM, ouais. Mais il arrive de temps en temps. Bref, tout ça pour dire, alors nous, justement, tu parlais du site, on est depuis pas mal de mois en train de travailler sur une refonte profonde du site pour être justement aussi dans la prescription. Alors en restant complètement éditorialisé, c'est-à-dire que si on parle pas d'un film, alors c'est peut-être aussi qu'on n'a pas eu le temps de faire l'affiche, mais sinon c'est aussi qu'on très probablement on n'a pas eu envie d'en parler. Et on sera justement sur les guides de pour qui, comment, pour quel âge, un peu ce que disait Cécile. Il y a les gens ont vraiment besoin d'un conseil à un moment parce qu'ils sont perdus devant la proposition. Et donc comment on va déterminer. Moi déjà je dis toujours quand je vois le film, je suis extrêmement schizo. Il y a un nombre de Florian dans la salle, mais il y a de quoi. Je fais du surbooking en fait à moi tout seul. Et donc je regarde le film à tout plein d'âges. De comment je pouvais le percevoir. Il m'arrive des fois de rentrer dans mon fauteuil pour le percevoir de plus bas. Ce genre de choses. Je le vois en tant que spectateur, parce que il faut aussi quand même que je puisse profiter du film s'il me plaît. Je le vois en tant que programmateur, dans le sens, alors celui-là, comme par hasard, il va sortir en février, il y a déjà autre chose en face. Enfin, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là, et donc c'est une de mes façons de juger, va aussi être de cette perception qu'on peut avoir à tel ou tel âge. Alors ça peut être sur les formes, ça peut être sur les couleurs, ce genre de choses. Ouais, mais t'as plus 5 ans. C'est pas par. Mais si, on les a tous. Faut juste s'en souvenir. Est-ce que c'est ça ou est-ce que si? Parce que je me demandais s'il n'y avait pas une discussion avec les enfants, parce que t'as la chance en effet d'avoir énormément d'enfants et de se dire, ah ben tiens, là, ils ont bien aimé ça, et tu parles avec les enfants, enfin, t'es vraiment très présent. Donc est-ce qu'il y a ça aussi qui est important? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, maintenant, notamment avec toutes les activités qu'on a avec les lycéens, où on voit le produit du travail qui a été fait depuis des années, de voir les collégiens que je connais depuis qu'ils ont 2 ans et demi, 3 ans, ou ce genre de choses, c'est effectivement que ça me nourrit énormément. Mais la décision, c'est quand même la nôtre. C'est-à-dire que c'est nous qui avons une responsabilité. Et là, il y avait les jours derniers, il y avait les rencontres nationales des cinémas d'art et essai autour du jeune public, justement, ce qu'on fait chaque année. Et il y avait une table ronde jeudi autour de la commission de classification des œuvres. Et donc de pourquoi on déconseillait, voire interdisait un film à moins de tel ou tel âge. Et une chose que j'ai vraiment extrêmement regrettée dans cette table ronde, c'était qu'on abordait la relation du jeune spectateur au film que par le dérangement, enfin, ou la peur, ou ce genre de choses. Non, il y a aussi l'intérêt. Il y a plein de films qui sont complètement accessibles parce qu'il y a pas de violence, il y a surtout pas de sexe parce que la violence on a le droit, le sexe c'est mal. Mais bref, il y a des films complètement lisses à ce niveau-là, quoi, au niveau des terreurs, mais qui vont barber les gamins. Dire, on est plus sur l'interdiction on est, que sur le plaisir. Voilà, exactement. Et moi, justement, mon critère, c'est ce qui va en tirer. Et très, très, très souvent, pas forcément sur les âges distributeurs, mais sur les âges de certaines coordinations ou de circulation de copies ou autre, quand je vois un petit peu les programmes faits un peu pour tout le monde, etc., je constate qu'on n'est pas du tout sur les mêmes âges. Alors, des fois, on met moins, des fois, on met plus, mais parce que on a beaucoup, beaucoup de structures qui fonctionnent en fonction du « ça leur fera pas peur ». Mais moi, quand il y a un gamin qui vient dans la salle, je veux pas qu'il ressorte en disant « ah, ça va, j'ai pas eu peur ». Je veux qu'il ait aimé le film. Ça n'a rien à voir. On n'est absolument pas du tout, du tout, du tout dans les mêmes critères. Donc, est-ce qu'on est tous autour de la table, plutôt dans ce qui est un peu inquiétant aujourd'hui, dans, en effet, cette idée de, encore une fois, d'interdire, ce que je disais à un moment donné, plutôt que de se dire, ah, là, il va y avoir une vraie volonté de, je ne sais pas, transmettre quelque chose, un plaisir déjà, un bonheur de la salle de cinéma et du le plaisir de, des images et de, qu'on leur raconte une histoire. Bah, cette question des tranches d'âge, elle est... Enfin, elle peut avoir un double intérêt. C'est-à-dire, oui, à partir de 3 ans, effectivement, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de sexe. Bon, ça, c'est bien, ça rassure. L'autre intérêt qu'il peut y avoir quand on fait un vrai travail de programmation, de conseil, c'est, oui, effectivement, ce film-là, a priori, vous, parents, vous ne le montreriez pas à vos enfants parce que, je sais pas, parce que c'est un film où il n'y a pas de scénario. Voilà. Mais l'enfant peut en retirer quelque chose, du plaisir déjà, et puis, voilà, peut-être autre chose, une ouverture sur le monde auquel le parent n'aurait pas pensé spontanément. Donc, les films, des courts-métrages, par exemple, qui passent dans des festivals, Annecy ou autres, plutôt pour un public adulte, de manière générale, mais qui sont complètement accessibles aussi à des enfants. Quand on fait un vrai programme un vrai travail de conseil et de programmation, c'est plutôt ça l'intérêt de la tranche d'âge, quoi. Sachant que, comme on disait, alors pareil, je sais pas Marie, toi, c'est difficile. Arnaud Demoin, par exemple, disait que produire aujourd'hui avec le CNC, c'était des films pour enfants, c'était quasiment impossible. Folle Image va souvent chercher des films pour leur programme avant Pougne, avant ces choses comme ça, des films à l'étranger aussi pour essayer d'avoir les courts-métrages plus pour enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique du cinéma pour enfants en France, malgré l'extraordinaire CNC et l'extraordinaire possibilité qu'on a en France, Marie? Bah, j'en ai bien peur que non. Ouais. C'est vrai que nous aussi, on va à l'étranger chercher les films. Effectivement, il y a quand même quelques productions en France, mais nous, on est une trop petite structure pour y accéder. Donc parce que, voilà, les films coûtent trop cher à l'achat, parce qu'ils sont, voilà, à produire, ça coûte vraiment très cher. Donc on va les chercher à l'étranger, mais c'est vrai que... Et puis il y a aussi, de la part des producteurs français, un espèce de dédain, quoi, sur les films pour enfants, quoi. Ça part pas des esprits, quoi. Ils voient le film pour enfants comme un produit, un sous-produit, en fait. Est-ce que c'est pas paradoxal, Florian, quand on sait que, comme tu dis toi-même, plus les enfants, on les traite bien au niveau cinématographique là, et qu'on leur montre des choses plutôt passionnantes. C'est-à-dire que 10 ans après, ils iront peut-être voir des choses encore plus passionnantes. Mais c'est effectivement le paradoxe, mais tu n'as pas idée du nombre de collègues qui sont dans des structures donc non spécialisées, mais qui ont un poste de programmation jeune public, qui ramènent à eux seuls 40% facilement des entrées de la salle, et qui sont traités, comme disait Marie, avec dédain. C'est-à-dire que le programmateur jeune public, bon, c'est bien gentil, mais il fera pas ça toute sa vie. Alors que, globalement, une programmation, évidemment, je charrie, hein, évidemment, j'exagère, un peu enfoncer le clou, mais une programmation adulte, je veux dire, je te la fais en 10 minutes. Une programmation enfant, faut réfléchir. Alors là, c'est pour les tout-petits, donc là, ils font la sieste, la machin, là, il y a ci, il y a ça. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et si on sait lire Télérama et Libé, on sait quoi prendre pour que ça marche. Alors que, pour les gamins, faut pousser un peu. Et donc, il y a vraiment un gros, gros problème à ce niveau-là. Après, ben, évidemment, on le sait tous, on parlait d'Ernest et Célestine tout à l'heure, pour rester dans l'animation, on a plus de chances quand même, même si apparemment c'est qualifié de flop à plus d'un million, mais on a plus de chances de faire de l'argent avec un film d'animation jeune public qu'avec un film d'animation adulte. C'est, Est-ce que Francis, est-ce qu'on n'a pas un problème aussi au niveau journalistique? Moi, quand même, je vous ai dit par rapport à Choupi. Bah oui, par rapport à Choupi, j'étais incapable encore une fois de faire un article, de dire, et il y avait plein de mes collègues qui me disaient, oh, c'est vraiment mauvais, j'ai jamais. Pourquoi ? Il me disait, mais c'est n'importe quoi pour les enfants. J'ai dit, mais vous avez quand même plus de 2 ans. Enfin, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Il y a quoi ? Il y a Paris Môme qui existe. Je connais mal tous les. Est-ce qu'il y a des critiques comme ça ? On peut dire, ah, lui, il est vraiment pointu et il va pouvoir raconter. Je ne sais pas, Francis, Cécile, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'avoue que j'en sais rien. Peut-être que Marie pourrait plus te répondre parce que bah, quand elle organise avec les projections de presse, quelles sont... moi, je sais que j'y vais quand je peux. J'y vais, effectivement, aux projections de presse Film du Préau. Mais j'ai la seule réponse que je serais tenté d'apporter par rapport à ça, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon. Alors, à chaque fois, ça se rétrécit. On est dans la critique de cinéma. Et puis après, il va y avoir la critique cinéma d'animation, donc il va déjà y en avoir moins. La critique cinéma jeune public d'animation, parce qu'il y a le cinéma jeune public prise de vue réelle, on va peut-être en avoir, parce qu'il y a des choses qui sont considérées comme jeune public, mais qui sont des chefs-d'œuvre du cinéma, les contrebandiers de Moonfleet, les films de Tati. Donc on va dire, bon, il y a comme ça L'Oréal justifié, mais il y a L'Oréal. Et donc on arrive à la fin de l'entonnoir où c'est la critique cinéma d'animation jeune public. Donc il doit y avoir peu de monde, mais finalement j'ai envie de dire, comme il va y avoir peu de monde et peu d'espace... ou différemment, comme il n'y a pas forcément beaucoup d'espace pour le court-métrage. Ben voilà, peu d'espace, c'est ça le problème, parce que, je ne sais pas, si je prends Télérama, par exemple, qu'on organise des projections presse, il y a forcément un ou deux journalistes qui vont venir, sur les longs-métrages, hein, parce que sur les programmes de cours, ils ne se déplacent pas. Il y a aucun, il y a très peu de... Très, très peu. Généralistes, enfin, un peu généralistes comme ça qui se déplacent. Sur les programmes de cours, non, très peu. Et après, bah, c'est de la place dans le support papier, quoi. C'est pareil, hein. Si en face, si le jour de la sortie, il y a 14 films pour adultes qui sortent, ils vont nous dire qu'il n'y a déjà pas assez de place pour les films pour adultes, alors pour les films pour enfants, il y en a encore moins, quoi. Donc ça veut dire, ça me paraît absolument fou, donc ça veut dire qu'il y a des magazines pour enfants quand même qui en parlent, je ne sais pas, Astrapim, oui, il y en a quelques-uns, enfin voilà, il y a des choses. Mmh. C'est-à-dire que dans Libé, Le Monde, Le Figaro, pour prendre n'importe quel, les généralistes, c'est très compliqué, là, c'est extrêmement compliqué. Hein. Alors que pourtant, il y a des parents qui doivent lire ces magazines. Enfin, c'est oui. Mmh. Mais... Donc on est en déficit total là, à ce niveau-là. C'est peut-être parce que, a priori, le cinéma pour enfants n'a pas besoin d'être critiqué. C'est ce que se disent certainement la majorité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de toute façon. Il n'y a rien à dire. Oui, puis comme il y a Disney chaque année, où les gens de toute façon allaient forcément voir le film d'animation à Noël, parce que de toute façon il y avait que ça à faire, il fallait bien les amener. Là, il y a l'idée de se dire de toute façon, il y en a 3 qui sortent pendant les vacances, ils iront bien les voir et on ne va pas leur dire non plus est-ce que c'est bien ou pas, quoi. Oui, Florian. Mais surtout, il faut écouter ou il faut lire, parce que c'est fascinant. Moi, je me rappelle une critique d'un film qui est pas justement. Voilà, c'était Le Renard et l'enfant, et le journaliste qui disait le film, il est pas terrible, mais pour les enfants, c'est bien. Voilà. Non, mais ça, on lit souvent. Ça, on lit très souvent. Et donc, après, on a carrément le syndrome du moi, je suis pas raciste, qui est absolument terrifiant. C'est-à-dire que les gens vont dire ah non, mais moi, je suis pas raciste, mes voisins sont noirs, les petits sont très polis, ils me tiennent la porte de l'ascenseur. Enfin, ce genre de discours complètement immonde. On l'a exactement sur l'animation, sur les longs métrages notamment. À savoir, quand il y avait Brendan et le secret de Kells qui sortaient, par exemple, nous, on l'avait le soir. On était les seuls à voir le film le soir. Et ben, il y avait des adultes qui venaient, presque honteux, on avait l'impression qu'ils rentraient dans un sex shop, ou comme ça, qui disaient, bon, j'ai pas d'enfant avec moi, mais j'ai entendu dire qu'il était bien. Donc, c'était un film d'animation, mais bien, hein. Mais là, Brendan, il était gentil, il tenait la porte de l'ascenseur, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il y a un vrai problème d'écriture, quoi. Et en même temps, ils finissaient par oser venir quand même, et c'était ça, finalement, côté peut-être positif de la chose, quoi. Oui, mais on pouvait juste dire que c'était un bon film et que les gens pouvaient venir le voir, quoi. Parce que c'est un bon film, point, quoi. Donc, c'est-à-dire que le traitement jeune public est presque pire que le traitement du film d'animation. Dans ce que vous me dites, j'ai l'impression, nous on se plaint dans le film d'animation, on parle pas, oui, mais là j'ai presque... Oui, par rapport à l'entonnoir dont tu parlais, oui, c'est ça, c'est encore en dessous de... Il y a le film en prise de vue réelle, l'animation, et puis le jeune public, il est vraiment au fond, quoi. Oui, enfin moi je pense Francis, ouais. Oui, parce que je pense, tu vois, même à travers l'émission ici à Radio Libertaire, Marie et Emmanuel, je les ai invités deux fois. Maintenant l'émission, elle commence sa 16e saison. Même si elle est qu'une fois par mois, tu vois déjà le nombre de fois. Et encore, de temps en temps, j'ai fait des chroniques parce qu'il y avait des choses qui sortaient, comme La Petite Taupe ou d'autres choses, où il m'arrive de faire un petit peu de chansons pour enfants ou d'albums jeunesse. Je parle puisque l'émission est généraliste, quoi. Chez moi, elle fait pas uniquement du cinéma. Où j'ai reçu Grégoire Solotareff quand il y a eu la sortie DVD de U. Mais voilà, c'est pas. Mais ouais, c'est ça. Ça veut dire, c'est peut-être moi, non? Je pense. C'est moi qui ai laissé mon portable. Voilà, évidemment, il fallait bien qu'il y en ait un. Tant qu'à faire, autant que ça soit moi. Merci beaucoup. Bon, on fait comme si de rien n'était. Oui, ça veut dire. Parce que, non, mais c'est ton mea culpa. Enfin, ce que tu me dis est intéressant, parce que moi aussi, je me rends compte que finalement, c'est facile de dire les autres. Mais parce que j'ai l'impression. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que. C'est vrai que je me dis toujours, j'ai pas d'enfant, j'ai pas. Et souvent, quand d'ailleurs, on me demande de venir présenter des fois, alors, on me demande pas ça, mais j'ai des celles qui me disent, bah tiens, tu voulais pas venir présenter des films d'animation, vous êtes spécialiste. Je fais, mais je connais rien en enfant. Oh, c'est la même chose. Mais tu l'as fait dernièrement, tu l'as fait au Festival de Brive, où tu m'as remplacé une fois au pied de V un matin pour présenter une séance. J'étais complètement paniqué. Oui, c'est ça. oui, moi, mais moi aussi. Et ça va sûrement faire sourire Florian, quoi. Mais effectivement, moi aussi, donc c'est pour le Festival de moyens métrages de Brive qui a lieu en avril. Cette année, donc Sébastien Bailly, c'était les 10 ans, voulait faire un programme animation. Donc je prends en charge le programme moyens métrages et dans la foulée, il me dit ça serait bien finalement que tu prennes aussi les séances jeunes publics. J'en avais jamais programmé. Et là, je me suis retrouvé face à un abîme parce qu'un un dimanche, il m'appelle en me disant « il me les faut pour lundi ». Et là, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais programmer ?» Moi, en plus, j'en sais rien. Donc, d'un seul coup, on se creuse la tête, on a l'impression d'être face à un trou. Il fallait faire donc primaire et collège. Il me dit « les lycéens, c'est pas la peine, nous on s'en occupe ». Parce que là, les lycéens, d'un seul coup, on passe aux côtés, on leur montre des films en prise de vue réelle, il y a les invités du festival qui viennent parler de leur travail, tout ça. Mais avant, comment on fait? Et finalement, après m'être creusé la tête, je me suis dit « on va pas ressortir forcément », et je sais que Sébastien travaille avec vous au Film du Préau, forcément faire un programme « Film du Préau », une fois de plus, mais essayons de faire quelque chose. Et je me suis dit, bah pour les enfants, on va faire Studio Aka, qui est un studio britannique. Et il y avait un des films, qui était un des films du Préau, qui était Perdu Retrouvé. Et puis qu'on avait mis avec un autre, beaucoup plus sombre, de Mark Raston. Disant, on fait découvrir un studio d'animation, qu'on connaît pas forcément. Et puis à côté, finalement, pour les collégiens, qu'est-ce qui pourrait être bien? On leur met un film d'horreur, allez. du fantastique, du récit. En même temps, là, c'est peut-être ma perversion. C'est qu'est-ce qui va faire plaisir aux profs? Ah oui, quelqu'un qui s'intéresse à la littérature, qui fait des adaptations. Et je me suis dit, Isoutroin, c'est parfait. Maupassant, l'amour du livre, l'amour des lettres. Bon, et Isou est venu parler de son travail. D'un seul coup, oui, on n'a pas l'habitude et on se retrouve face à un abîme et il faut y aller. Dernière question avant de faire une pause, parce que ça fait un bout de temps qu'on parle, mais ça veut dire que là où je me rends, parce que moi en effet, je me suis trouvé devant l'autre film de Marc Crass et je me disais, mais les pauvres, c'était des tout petits, ils vont être terrorisés. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur parler? Ils vont tous être en pleurs. Enfin, et en effet, tous à la fin, c'est oui, j'ai quand même eu un peu peur, etc. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faudrait avoir presque des gens qui connaissent avant tout les enfants et qui ensuite s'intéressent au cinéma, ou des gens qui s'intéressent au cinéma qui ensuite se disent bon, allez, je vais me spécialiser en enfants. Comment ou pas? Ou alors c'est les deux, Florian et Marie? Spontanément, c'est vrai que quand Francis a dit que ça allait me faire sourire, c'est vraiment dès le début, parce qu'effectivement, c'est le terme que j'emploie. Mais c'est un terme que j'emploie beaucoup en réalité, même en technique. C'est le terme de peur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, plein, qui ont peur des enfants. Qui savent pas comment les gérer, qui ont l'impression qu'ils vont les casser, qu'ils sont en sucre, qu'il y a plein de choses, qu'ils vont dire n'importe quoi. Et ça se sent. Parce que on est tous des animaux et plus on vieillit, plus on apprend à se domestiquer. Mais un enfant, il est plus proche de notre côté animal. Lui, il est en train d'apprendre et ils ressentent tout. Ils ressentent énormément le malaise, typiquement sur la VO, quand le oui. parent va avoir un moment infime de recul, même s'il va chercher à le corriger tout de suite après, quand il entend que le film est en VO. L'enfant va sentir qu'il y a un problème, alors que le parent totalement détendu qui se tourne vers le gamin en lui disant bon c'est écrit en dessous, enfin qui va selon l'âge, il lui dit où c'est sous-titré, enfin bref, selon l'âge de l'enfant, ça passe très bien. Voilà, ce genre de choses là. Donc la peur de l'enfant, le rapport à l'enfant est extrêmement important. Donc après que la personne vienne du cinéma de l'animation jeune public ou du bâtiment ou n'importe quoi, du moment qu'il n'a pas peur des gamins, déjà ça passera super bien. Le reste, ça s'apprend, c'est une question d'habitude. Mais il y a des choses qui sont vraiment instinctives, qui sont en nous. Il y a des gens qui ne seront jamais bons avec les enfants ou qui seront jamais bons avec une tranche d'âge. C'est vrai que les lycéens, par exemple, peuvent paraître pour certaines personnes plus simples d'abord parce que on leur parle normalement, il y a pas de vocabulaire à choisir. Et encore, quand je parle de vocabulaire à choisir, je le choisis pas tant que ça, mais je préfère expliquer ce que je viens de dire. Donc se mettre à leur place et se dire tiens tel mot il est peut-être un peu compliqué, donc mais quand même les tirer toujours vers le haut. Moi je vise toujours pour les jeunes 2 ans au-dessus. À peu près. Je parle toujours un peu, voilà, les grandes sections, j'en parle comme ADCE, en gros, comme ça, je les tire un peu. Et d'autres vont être terrorisés par les lycéens parce qu'ils font 4 têtes de plus qu'eux, que pendant qu'ils parlent, ils sont en train de dire regarder leur portable, parce que voilà. Donc ça dépend vraiment des gens, pour le coup. Là, il y a pas de règle. Mais je pense que c'est plus ça hein, que la spécialisation. Ouais, Marie aussi. Toi, tu travailles en amont beaucoup, comme vous avez avec les salles, avec ce. Pour je sais pas, par rapport au public, ou non, vous n'avez pas du tout de relation avec le public, ou alors sur le site, ou alors les gens vous appellent en disant « Oh, comment vous avez osé ? Vous avez dit que c'était plus de 7 ans, j'ai amené mon fils voir ce film, c'est une horreur. » Si, si, ben, on a des retours parfois de parents, de mails. Enfin, ça, c'est drôle, quoi. Enfin, je sais pas, par exemple, dernièrement, on a eu un mail de quelqu'un qui a emmené son enfant voir Gros Pois Petit Coin. Bon, je pense que personne autour de cette table connaît Gros Pois Petit Coin, à part Florian. Bah si, tu rigoles. Bah comment non, ça mais, franchement. Voilà. Et donc, le mail, c'était « Vous vous rendez compte, vous montrez des choses incroyables. » l'enfant mange, on donne plein d'enfants à manger chez le dentiste, plein de bonbons à manger à l'enfant, mais il va chez le dentiste, il a pas peur, tout se passe bien. Enfin, c'était le gros délire, quoi. Mmh. On a aussi parfois des mails tout à fait super, mais oui, il y a des gens qui se gênent pas pour nous assassiner un petit mais peu. Après, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, beaucoup de gens, je ne sais pas, certaines personnes qui préfèrent tirer vers le bas, finalement, que vers le haut. Et, c'est vrai, tout à fait. Et moi, j'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps, en tant que programmatrice, parce que j'organise un tout petit festival dans les Yvelines, là où j'habite. Et on a organisé une projection pour les élèves de l'école maternelle. Alors, on a eu les 200 élèves de l'école maternelle parce que la directrice voulait que ça soit pour toute l'école. Donc, il fallait trouver des films. Donc, en fait, les petits moyens ont regardé un film et les grands ont regardé les 3 films. En gros, c'était ça. Et il y avait Le génie de la boîte de ravioli. Il y avait Sous les étoiles. Non, c'est quelque chose... Exactement. Je sais plus, enfin bref. Enfin, des films qui sont quand même traditionnellement montrés à un jeune public. Mais le fait est que les enseignants n'ont pas du tout accompagné les films. Apparemment, enfin, j'ai pas eu beaucoup de retours, mais apparemment, on n'en a pas reparlé avec les petits après. Et le retour que j'ai eu de la directrice, c'était apparemment, les films n'étaient pas adaptés. Ouais. Alors, le génie de la boîte de ravioli, pas adapté à des enfants de 5-6 ans, c'était en fin d'année, donc plutôt 6 ans. Ça devient compliqué de programmer. Non, voilà, mais ça rejoint ce que disait Florian tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certains encadrants, instits, qui eux-mêmes ont un peu peur du cinéma, en fait. Hein. Et dès qu'eux-mêmes ne sont pas très à l'aise avec le film, eh ben, ils vont dire que ça crée des problèmes avec les enfants et tout, alors que c'est leur propre problématique à eux, en fait. Hein. Alors, leur argument, c'était « ils n'ont pas tout compris ». Oui, c'est très bien qu'ils aient pas tout compris. Oui. Au contraire. Mais parce qu'en même temps, tu es dans un pays cartésien, donc il faut comprendre les choses. Ah oui. Ouais, c'est ça qui est important. De toute façon, souvent, à la sortie d'une séance, on va entendre un parent dire à son enfant, ça va pas être, ça t'a plu, ça va être, la question va être, t'as compris? Ouais. T'as tout compris? Au lieu de, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as eu une émotion? Le cinéma doit absolument être éducatif et non pas forcément, justement, comme tu disais, des émotions. On va faire une pause. Une pause avec 2 morceaux pour avoir bien, mais comme ça on aura le temps de parler de Lettre à Momo quand même, une dizaine de minutes. On commence par de la promo avec un morceau qui s'appelle Please du GFB's New Quartet, qui est le quartet où mon frère joue, voilà, Félix. Donc voilà, vous l'avez déjà entendu et j'ai déjà parlé parce qu'il avait fait la bande-annonce. On est dans un petit milieu, la bande-annonce de la musique de la bande-annonce des 3A des rencontres que j'ai fait à Annecy. dont Valentine a fait la bande-annonce, dont Florian a fait la programme, une des programmations qui a été faite au sud des Ursulines et dont la programmation d'une des séances pour enfants a été faite par Florian. Donc vous voyez, on est vraiment dans un tout petit monde. Et on va écouter ça et puis après on écoutera Just Gigolo par Monk. Vous allez voir ce que ça donne, Thelonious Monk. Donc c'est la prochaine, pas celle d'après et celle d'après. Merci Nicolas. voilà, c'est toujours Bulle de rêve. On écoutait donc Monk après le GFB News Quartet, dans une version de Justin Gigolo un peu particulière, solo, au piano. C'est dommage, hein, je sais que c'est toujours terrible, mais il y a des choses passionnantes qui se disent pendant qu'on écoute la musique. Ah, des fois, pas toujours. Là, c'était le moment fashion, où on parlait tous de comment tout le monde était habillé. C'était plutôt pas mal, ça a changé un tout petit peu. Allez, est-ce qu'on peut écouter juste ce qui vient après, s'il te plaît? Il y en a pour 2 minutes. お母さんと瀬戸内の島に越してきた11歳の少女モモ。 娘のモモです。 モモちゃん。 こんにちは。ねえ、東京に帰ろう。 そんなに嫌ならどうぞお一人でお帰りください。 なんて書きたかったの、お父さん。 モモは島で不思議な生き物たちと出会う。 細いのが皮で、小さいのが豆でござる。 何がお守り様よ。私とお母さんどうする気なのよ。 大体なんであいつには俺たちが見えるんだ。 お父さんに手紙を出したいの。 よからぬ展開でござるぞ。 お母さん、お父さんのことも忘れちゃったんだよ。 ももちゃん、りっちゃんが大事じゃ。 今行かなきゃいけない。お願いだよ。 だからって俺たちだけで何ができるって言うんだ。 私、お母さんの気持ち全然分かってなかったんだ。 あ、 ももへの手紙。 ヘドとヘラソン。 Et voilà, toujours Bulle de rêve. Encore une fois, il y a plein de choses. Et donc, c'était la bande-annonce de Lettre à Momo. Comment on trouve les films? Les films du Préau, vous allez dans tous les festivals du monde? Malheureusement, non. On n'a pas suffisamment de temps pour être à la fois à l'étranger et au bureau. Donc, Lettre à Momo, en fait, on l'a découvert dans le cadre, au Forum des images, dans d'accord, le cadre des... avant-première, ouais, des, voilà. Du festival Les Premières Images du Japon, c'est comme ça que ça s'appelle? C'était Carrefour de... Non, en fait, c'était déjà le Carrefour de l'Animation. Carrefour de l'Animation. Il passait, voilà. Tout à fait, ouais. Donc ça fait déjà... 2 ans. 2 ans, ouais. Donc... Et c'est le coup de cœur? Oui, oui, ça a été un coup de cœur. Vous agissez comme ça, en coup de cœur? Ah oui, uniquement. Style, ouais. Uniquement. Faut on que calcule... les deux aient un coup de cœur ou... Ouais, on n'est vraiment jamais dans un calcul de... On prend ce film-là parce qu'il va plaire. Enfin, c'est vraiment un coup de cœur personnel et... On est deux donc à choisir, Emmanuel et moi. Et s'il y en a l'une de nous deux qui n'aime pas, on cherche absolument pas à convaincre l'autre. Quoi. Il faut qu'on soit toutes les deux OK, parce qu'on travaille quand même longtemps sur le film, sur les films avant leur sortie. Donc s'il n'y a pas cette cette énergie, voilà, c'est pas la peine. Quoi. On se lance facilement dans un film japonais. On va pas rentrer dans la cuisine de l'argent, des droits extrêmes. On sait que ça coûte. Ça peut coûter un petit peu cher, on va dire. Oui, ça coûte un peu cher, voilà. Mais on y croit. Donc ouais, voilà. On dit qu'on réfléchit après pour se dire, oh, on va faire une VF quand même. Donc moment où c'est jeune public, non, on ne fait pas systématiquement une VF, je dis des bêtises. On a sorti des films parfois uniquement sous-titrés. Mais là, comme effectivement, on considérait que les enfants relativement jeunes pouvaient le voir, la VF s'imposait, quoi. Et la VO aussi, on laisse aussi la VO pour justement les fans d'anime, les adultes, les ados, enfin voilà. Quoi. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, vous changez un petit peu aussi au niveau des salles. C'est-à-dire que Lettre à Momo peut sortir en plus grosse, combinaisons. On travaille vraiment exclusivement, enfin presque exclusivement avec les salles à essai. Sur la combinaison, moi je pensais qu'on allait sortir sur 100 copies à peu près, mais c'est un petit peu moins par rapport à tout, au problème d'embouteillage, et ouais. Particulièrement là, au mois de septembre-octobre, c'est juste une folie totale. Donc il y a plein d'exploitants qui aiment le film, mais qui ne peuvent pas le mettre sur leurs écrans, quoi. Donc, voilà. donc c'est ouais, et puis après ils le reprennent pas trois mois après. Ah non, c'est une fois que enfin, non, c'était vrai il y a quelques années, mais ouais. Ça l'est plus du tout. Bah non, parce que voilà, il y a autre chose qui arrive derrière, donc c'est fini. Hein, une fois que les deux premiers mois sont passés, après c'est terminé quoi. Comment ça se passe là? On essaye d'avoir au niveau des séances de presse. Enfin, si c'est moi, on était dans la même séance de presse. On essaye d'avoir. J'ai vu plutôt des têtes que je connaissais de l'animation, mais on essaye d'avoir des. Bah, je sais pas, il y a le type de libé, on appelle, on connaît du oui, monde, bah, on travaille avec une attachée de presse, enfin des attachés de presse, et ça c'est leur travail en fait, ils contactent la presse, et puis on a fait aussi pas mal de partenariats, donc à la fois dans la presse généraliste, dans la presse un peu spécialisée à Nîmes, dans la presse enfant, enfin on essaie de varier un peu les plaisirs. et voilà, ça sort mercredi, et là on a vraiment hâte, parce que ça fait longtemps qu'on est dessus, hein. Et là, ça y est, il faut vraiment qu'ils sortent, quoi. Mais on a vraiment hâte que les gens le voient et qu'on ait des retours, quoi. Le Japon est un monde différent par rapport à l'animation et notamment par rapport au regard du public. On sait, ou enfin beaucoup doivent le savoir, le tombeau des Lucioles, que certains d'entre vous ont vu. Enfin, je pense autour de la table, tout le monde a vu, je pense. Et Totoro sont sortis dans le même programme au Japon. Il y avait donc des enfants qui voyaient et le tombeau des Lucioles et Totoro, ce qui est a priori impossible à faire en France, quasiment, sauf au studio des Ursulines, avec plein de, que t'as fait une fois, mais il y avait plus des adultes, c'était plus la séance du soir, non, qui avait été faite. Oui, c'était génial, avec Ilan Nguyen qui était venu présenter et tout. Enfin, c'était pour les 25 ans des deux films, en fait. Voilà. Donc, on a fait le double feature, comme ça se faisait. Oui. Mais donc, c'est un monde à part, on va dire, le Japon, par rapport au, je pense, hein, par rapport à l'animation. Là, c'est un film qui fait 2 heures. C'est un film qui traite, je ne sais pas si on peut raconter un peu l'histoire. On le sait rapidement, mais un petit peu l'histoire, sans hein, tout dévoiler. Une petite fille qui part sur une île avec sa maman, qui mm-hmm. donc elle a perdu son père est mort, mm-hmm. et donc voilà, elle va essayer. Enfin, c'est vraiment l'ado. Hein, t'as peut-être la claque au début. Oh, un peu tête à claque au début. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle est un peu, disons que. Gentiment. Hein. Elle est un peu tête à claque au départ parce qu'elle se retrouve dans un endroit où elle pense que ça va juste être horrible d'habiter là. Ouais. C'est vrai qu'elle vient de Tokyo, elle se retrouve sur une petite île, elle habite dans une vieille maison, dans un petit village. Donc c'est un peu compliqué quand on est pré-ado, qu'on change radicalement de lieu de vie comme ça. Mais finalement, elle va faire des rencontres tellement formidables que... Donc elle va en fait, voilà, faire des rencontres de ces fameux yokai qui sont les monstres japonais traditionnels. Mmh. Il y a quasiment des fois un yokai par ville. Enfin, c'est vraiment un monde assez, assez extraordinaire. Ouais, donc 2 heures, c'est bon? Vous dites pas... Ça va être trop long pour les enfants? Non, c'est vrai que 2 heures, on se dit, c'est peut-être un petit peu long. Et en même temps, c'est vrai que le film est passé dans quand même pas mal de festivals jeunes publics. Et souvent, il a eu le prix par des jurys de très jeunes, quoi, en fait. Donc, Florian, toi, tu vas l'avoir? Pardon. Qu'ils l'ont même vu en VO sous-titré, parfois. Donc, dans mon premier festival l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de films. Et en fait, c'est l'être un moment qu'a gagné, alors qu'il dure 2 heures, qu'il était en VO sous-titré et que les membres du jury étaient vraiment très jeunes. Donc, finalement, on se dit non, ça passe, quoi. Toi, Florian, tu vas l'avoir, alors, ou pas? Oui, je vais l'avoir, justement. Je l'avais, on l'a donc, passé il y a un an dans l'avant-première. Et ce que dit Marie est vrai et en plus vérifiable très souvent, c'est-à-dire que les jurys enfants vont rarement à la facilité. Donc, voilà. Oui, c'est vrai ça. Donc c'est encore une histoire d'adulte, de regard d'adulte sur ce que comment vont réagir les enfants, parce que c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Florian. Les enfants vont rarement la facilité. Quoi. Oui, puis ils voient pas la même chose. Moi, je me rappelle d'une projection de Betty Boop au Maroc. J'avais fait pendant le FICAM, on s'était un peu inquiété de se dire il y a des choses dans Betty Boop qui sont quand même pas évidentes. Et en fait, se rendre compte que évidemment toutes les choses sexuelles qu'il pouvait y avoir, c'est nous qui les voyons. Et évidemment que les enfants se disaient pas oh c'est un film sadomaso. Enfin, a priori, heureusement, la plupart des enfants. Nicolas, je sais pas. Nicolas me regarde. Peut-être que tes enfants. Mais a priori, normalement, une grande partie des enfants ne voient pas forcément ça. Là, par rapport à l'être à Momo. Pareil, il n'y a pas d'inquiétude sur les yokai, le fait de faire peur, comme tu dis, il y a vraiment plutôt le plaisir. Non, les tout petits, évidemment, non, ça peut leur faire peur, mais les enfants, à partir de 7 ans, il n'y a aucun souci, quoi. Francis, parce qu'ils sont drôles, ces yokai, en fait. Ils sont à la fois balourds, menteurs, enfin, ils ont plein de défauts, en fait. Donc ça les rend vraiment plutôt drôles que... ils sont vraiment dans la vie, en fait, hein, même s'ils représentent... un peu la mort, ils sont dans la vie en fait en réalité. Oui, et puis ce qui est intéressant, on est bien dans le cinéma japonais, Francis, toi tu l'as vu, ils sont loin d'être si gentils que gentils finalement ces yokai. Ils sont méchants, ils n'hésitent pas à la martyriser cette pauvre Momo, enfin. Oui, ils sont même carrément... Moi, je les trouvais très barbants, moi, pendant le film. Ils m'exaspéraient, mais ça, c'est mon côté janséniste, donc je me disais, c'est pas possible, quoi. Qu'ils soient aussi chiants, en plus, ils foutent le bordel partout, enfin, c'est insupportable, quoi. Donc non, c'est vrai que l'intérêt du film, c'est comme ça que bah, plein d'ambiances s'y télescopent, et je trouve que c'est ce que le film réussit plutôt de manière intéressante, quoi. Je regarde l'heure, c'est fini. Lettre à Momo, c'est mercredi. Tout à fait. Faut aller le voir. Oui. Non pas parce que Marie-La a des films du préau, mais parce que c'est vrai que c'est un film qui va changer un petit peu, surtout si Plains sort quand. Enfin, faut aller le voir à la place de Plains. C'est pas grave, de brave, on va pas, mais en tout cas, voilà. Merci. Donc, ben, merci à tous d'être venus. Merci à Florian, qui va forcément venir. Merci Alexis. Qui vient toujours pour nous parler plein de choses. Merci à Marie. Merci à Rémi. Fais-toi la table. Merci à Francis. Allez, gâteau. Il l'a cherché et il s'est dit tiens, merci à Cécile, merci bien sûr aussi à Valentine pour faire ses émissions et merci à Nicolas. On va finir sur notre générique qui va être vous allez reconnaître, et puis si vous reconnaissez pas, bah, on désannoncera le 12 octobre. C'est plutôt pas mal. Donc c'est la dernière, c'est la piste d'après. Merci à tous. Double feature. Frank has built and lost his creature. This